that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Vous allez bien? Est-ce que le public va bien ce soir? Moi aussi, ça va bien. Demain, Claudio Capeo sera notre invité. Ça va être bien, Claudio Capeo, avec son accordéon et tout. Ça va être une tuerie. Cette semaine, on vous. Ça y est, hein, la rentrée chez nous, c'est aussi cette semaine. Ouais. On enclenche du lourd. Hein. Maître Gibbs va venir. Il est de retour, mon copain Alvaro Soler. Oui. J'adore cette chanson. Je te comprends rien à l'espagnol. Tout l'été, on l'a entendu. Ah, c'est le tube de l'été, hein. Ouais. J'adore ça. Amir va revenir. Il est super, le nouveau titre d'Amir. Ouais, on dirait. Et ça vaut aussi, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on est super content d'être avec vous ce soir. Super content de vous voir, ça me fait plaisir. Julie, va bien, oui, t'es belle très bien. Tout. Merci. On dirait une tulipe. Oh, je sais pas si je dois le prendre. Fané un petit peu. Fané, ouais. Ouais. Un vieux coquelicot. Excuse-moi. Mais je vous emmerde, ça va là. Rectification. Oui. On dirait un vieux coquelicot. Putain, j'avais un compliment, les gars, j'étais contente là. Stouf, au standard. Oui, quoi. C'est quand même pas toi qui va vanner Julie, et alors que je rappelle que cette jeune femme a un artichaut tatoué dans le dos. Vous avez déjà vu son artichaut? Non. Viens montrer ton artichaut. Viens montrer. C'est la seule meuf. Le mec, il a dû lui dire: qu'est-ce que vous voulez tatouer? Un artichaut. Je sais pas, la fille, elle a des fruits et légumes sur son corps. Tourne-toi, monte ton artichaut. Et c'est vraiment un artichaut? Paye ton artichaut. Ah ouais, grave. Attends, je fais une photo de l'artichaut. Oui, je l'ai tué. Mais pourquoi un artichaut? Je sais pas. Pourquoi? Bah, quand t'as qu'à faire une carotte et un navet, ça te fera une ratatouille. Parce qu'elle est artichaude. On sait rien pourquoi. T'es artichaude, il a dit. Ouais. Mmh. Ouais. Ah oui, ça va bien. Mika va bien. Ouais, ça va, nickel. 0870 42 48, l'AREA va bien aujourd'hui? Oui, très ça bien, va. Ça a bien marché hier. Je dis rien, je dis ça, je dis rien. Merci. Hier, ça a été quand ça va, faut pas non plus tous les jours. Pietre. Ouais, nickel. La vie est belle, Guéguette. Ça va bien toute aussi. Toute l'équipe, soyez les bienvenus, vous êtes chez vous à la maison. T'as ramené ton sandwich? Oui, qu'est-ce que t'as ramené? C'est un cadeau d'une jeune femme du public qui est là-bas dans le fond et qui m'a dit en me le tendant: c'est une surprise. Ah. Et j'entends un truc qui fait. Alors, non, je décolle. Alors, c'est composé de trois bouts d'aluminium. Ça se mange? Oui, elle me fait oui. Oui. D'accord. Ça se met pas dans les fesses. Eh bien, écoute, je commence à avoir un doute. C'est la forme. Vu la forme, bien sûr. Mais non, mais c'est pas un peu petit pour Julie. Oh là là, il est 19h03. Non, non, non, non, non. Je sais pas comment le dire. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ça casse, non? C'est un concombre. Ça se mange. Ça se mange. Ça se mange. C'est un concombre. Ah oui, c'est un concombre. Ah, c'est un concombre. Ah oui, non, c'était bien ça. Ah, bah, je veux bien le prendre alors. On l'avait dit au fond de fruits et légumes. Stouf, pense-y pour ton prochain tatouage, un concombre. Ah ouais, ça, c'est une grosse idée, ça, le concombre. Eh bah, c'est une bonne idée. Attends, pour l'autre. Parce que les gâteaux, alors, tu les manges pas. Bah, c'est une patate. L'autre, je sais pas ce que c'est. Une pomme. Ah, ah oui, au régime, voilà. Ouais, ouais, bah, celle-là, elle est pas fraîche. Hein. Non, mais c'est bien vu. Elle a vécu. C'est la pomme qui a vécu. Le fromage, non? Ça sent le fromage blanc, ça. Ça sent le délire, fromage blanc. Non, non. Ouais, c'est du Danao, taille fine, voilà. Fruits. Merci beaucoup. Très bien. Ouais. Eh, bah voilà. Maintenant, grâce au public, je peux continuer mon régime. Voilà. Ça, ouais. Et Julie peut passer une bonne soirée. et ça, croyez-moi, ça n'a pas de. Mais c'est bon pour la peau. Merci d'être de plus en plus, être nombreux avec nous. Ça se dit de plus en plus, non? Être de plus en plus nombreux avec nous. Ce soir, à gagner, on aura de la PS4. Oui. De la Xbox One, oui. du bracelet connecté, on aura de la tablette Samsung Galaxy Tab E, on aura des écrans LED. Carrément. On aura des trucs de ouf, on aura du super jeu hier, c'est le super jeu nous, d'hier. En fait. On pourra en réécouter une petite phrase tout à l'heure. Parce que vous avez peut-être raté le super jeu d'hier, mais il était fantastique. Ah, ton petit Bakary. Le Bakary. Le Bakary. Je vais te couper la Bakary. Excusez-moi, tu as, hein. Cette maman, elle était extraordinaire. Il est où? Il est là, oui, mais c'est un petit mot. Il faudrait des phrases, un tout petit extrait. Je me calme pas. Elle était géniale. Quoi? Oh putain, elle toi, tu sens ta grande gueule aussi là. Non, ouais. C'était beau. Ton Bakary, je l'emmerde. Je le fous en brochette. Eh oui, elle me met le Bakary en brochette. Si vous avez un doute sur ce qu'est le Bakary, nous, on a cru comprendre que c'était le Zizi. Oui, oui. Je te mets le Bakary en brochette. Ça doit pas être facile en même temps. Mais non. Donc ce soir, on aura. Ah, ce soir, il y a la France qui joue. Oui. France contre Russie. Biélorussie. Biélorussie. Match officiel. Ouais, match officiel. 2 ans, voilà, Coupe du Monde. Match officiel. Bah oui, c'est la qualif. Enfin bon, ouais, pense à l'audience. Oh, Pietre. De la radio, ouais, tu c'est que la Biélorussie de notre côté. Merci. Hein, tu veux que nos auditeurs ils se barrent tous regarder le match de foot? C'est vrai, ça sera de la merde. C'est des chaussons en face. Ça sera de la merde. Les mecs ils ont plus de jus dans les jambes, ils ont rien branlé de l'été, ça sera de la merde. Allez pas voir le match. Mais n'empêche, ce soir on aura un jeu pour le match. Oui. C'est une séquence où un auditeur de chez lui ira pendant que ses parents, son père ou quelqu'un regarde le match, se mettre devant la télé, courir la télé pour rire le match. Très bien. On adore ce truc-là. On aura ma mère, c'est la plus cool. C'est un peu comme le check au collège. Ouais. Maintenant, on va checker votre mère. Voilà. Et on verra au bout de 5 questions si votre mère c'est vraiment la plus cool ou pas. Mais attention, il y a 2 mamans qui s'affrontent. Hein. Évidemment, Julie. Ah bon. Mais c'est un concours officiel. C'est la check ta maman League of the World. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Et puis on aura le jeu du public tout à l'heure. Eh ouais. Si on a le temps. Eh bien, je voudrais commencer cette émission. Ah. Oui. Stagiaire. Viens là, toi. Viens à côté de moi. Ah, viens Guillaume. À côté de moi. Ah, merde, t'as bien fait de donner son prénom parce que je n'avais pas oublié. Bordas. Guillaume. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va. Hein, Guillaume, il est sympa. Oui, très sympa. Ouais. Moi, ce petit bonhomme là. Qu'est-ce petit, qu'il a fait? Il est bien brave. Petit rouquin là, il est mignon, les oreilles un peu décollées. Regarde, je suis pas au courant. Il est pas super design. Il est pas design. c'est pas du Stark, vous voyez. C'est du Desigual. C'est du Lidl, vous voyez. C'est du truc. On est mal, patron, on est mal. On est mal. Mais il est très gentil. Mais il est sympa. C'est pire ce que tu dis. C'est horrible. Il est pas design, mais il est sympa. Et le mec, tu le vois comme ça, le public. Vous le voyez toujours, c'est lui qui accueille le public, il bosse bien. Hein. Oui, mais très non, bien. On ne peut pas dire on qu'il l'a en gardé, a. D'ailleurs. Il n'en impose pas par sa présence. Non. On est à quoi, tout assez, on est à quoi 1m70. Qu'est-ce qui va c'est sortir? C'est ça, on est à 1m70. Exactement. Je voudrais vous montrer la photo de profil du mec sur Facebook. Le mec, mon gars, DJ Snake. C'est ça. C'est de la rigolade. On a l'impression qu'il fait 2 mètres et qu'il a tué des gens. Ça, c'est clair. Mais ça, le mec, tu le mets à l'entrée d'une boîte, il y a un client normal qui rentre. Même le mec qui a pas de basket, ça te ressemble pas du tout, en fait. C'est quoi je cette pas. Tête de tueur d'Alliance Ethnique des années 90? Ah oh, oui. Je sais pas. Simple funky, simple funky. Camel. Mais comment t'as eu ça? Je cherche, c'est ta photo de profil. Hein. C'est pas trop dur à trouver. Cette attends, photo est ridicule. T'as pas vu les photos sur Instagram? Non, bah là, Instagram. Elle n'arrivera pas à le dire. Oh là là, c'est la vieille qui essaie d'être jeune. Tu n'es pas sur c'est Facebook. Instagram. Mais alors, il faut que tu ailles sur Instagram. C'est tellement sympa. Ainsi que sur Twitter. Ouais. Va sur Twitter. Mais allez voir son Instagram. Tu Instagram. Instagram, c'est ce que bienvenue je sur Énergie. On est là. J'espère que tout va bien jusqu'à 22h. Elle veut tout lâcher, même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer, Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mea culpa. Elle m'a fatigué, c'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. C'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Ce soir, qui sera un défi sur Instagram ce soir. Sur notre compte officiel, ce sera un défi Insta sur Koé officiel. On a mis toutes les photos hier soir. Vous avez été nombreux à m'envoyer des photos. Vous avez entouré. Ah oui, les photos de classe. Qui était qui ? Vous avez galéré pour me retrouver. Hein. Ouais, j'avoue. Tu vois, mais je t'avais dit que c'était pas si facile que j'ai ça. J'ai vu des erreurs et tout, mais vous m'avez trouvé quand même. Hein. J'ai vu cette bonne tête de petit bonhomme. Après, une fois qu'on te voit, on dit ouais, il n'y a pas photo, mais c'est vrai que de part, c'est dur à trouver. Il y avait Jeanne d'Arc sur ta photo. Mal fini. Qui est fan ? Vous qui m'écoutez. De Shawn Mendes. J'ai une putain de bonne nouvelle pour les fans de Shawn Mendes. Tu te rends pas compte que c'est fort en fait. Ouais. Quand je parle, non, t'as pas d'oreille. On a une réalisatrice qui a pas d'oreille. Pas d'oreille. Elle était moins chère. Elle est moins chère que les autres. Attends. Elle est peut-être sourde. Lis sur mes lèvres. Tu vois bien, c'est fort. Quand tu mets Shawn Mendes, les gens ils m'entendent plus. Enfin, on va le refaire, mais tu le mets moins fort. Donc je disais, vous êtes fan de Shawn Mendes? Voilà, ça va. Eh bien, je vais vous permettre de rencontrer Shawn Mendes et d'aller le voir à un concert privé. C'est-à-dire que vous allez partir avec qui vous voulez et vous allez partir à Amsterdam. Oh là là ! Bien. Week-end offert. Oui. Vous partez en week-end, donc ça va avec les cours, vous êtes bien. Vous partez avec qui vous voulez, vous assistez à un concert privé et vous le rencontrez. Ouais. Par contre, faut pas ramener de cheat, hein. Interdit, oh là là, malheureux, des tulipes autant que vous voulez. Voilà. Mais le reste, interdit. Ah bah oui, non, mais il a raison. Amsterdam, c'est quand même connu pour ça. C'est, quand même, un peu. Bon. Un peu. Mais t'es pas obligé. Hashtag Shawn Mendes, Amsterdam, Koé sur Énergie. Voilà. moins si c'est ça, clair. Ça rentre sur votre écran, si ça rentre pas sur un iPhone 5, allez prendre vite un iPhone 6S. Plus. On aurait pu faire plus long, mais bon. Voilà. Hashtag Shawn Mendes, Amsterdam, Coé sur énergie. Vous mettez ce hashtag-là. Je peux vous prendre au hasard pour vous offrir de la possibilité de venir, non? Non, c'est inscription sur énergie.fr à partir de 22h. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mais tu m'écoutes pas quand je te parle. Mais alors à quoi ça sert de mettre le hashtag? Eh ben c'est bien, faut qu'ils soient endettés. Ah ouais, bah oui. Ah oui, d'accord, c'est bien. Ça sert à rien alors. Mais si, ça sert à quelque chose. Non, puisqu'ils s'inscrivent sur énergie.fr. Et alors? Tu peux le mettre en TT quand même. Ouais, bah c'est génial. Bon, hashtag Shawn Mendes, Amsterdam, Coé sur énergie. Le shit, c'est pas bien. Vous nous mettez donc ça. Non mais chaque fois j'ai l'impression que quand je vais dire Amsterdam, faut que je dise le shit c'est pas bien. Ouais, non, mais c'est obligé, il y a pas que ça là-bas. Non mais ça se perd un peu, pourquoi ils sont en train d'évoluer un peu là-dessus. Voilà, maintenant c'est les champis. Champis c'est pas bien. c'est pas bien, c'est ça. Hashtag Shawn Mendes, Amsterdam, Coé sur énergie. Donc vous mettez ça sur Twitter. Pour en parler justement. Et à partir, oui, pour en parler et pour que toute la communauté de Shawn Mendes s'inscrive dès 22h et vous pourrez aller le voir et être là-bas à Amsterdam et le rencontrer, lui faire un bisou et tout. C'est bien, non? Si vous êtes sur Twitter, vous voulez nous parler, hashtag Coé saison 7. C'est là que si vous faites tourner, hier on était encore entêtés, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort la Coé famille. On fait un bisou à Ikram, comment ça va? Il a chaud. Ça va? C'est une fille. C'est une fille. Ah, elle a chaud. Voilà. Elle adore le nouveau soprano. Je suis en feu. On peut dire bonjour, vous ferez des vannes chez vous. Vous savez quoi l'équipe? Notez des vannes et quand vous êtes rentré chez vous à 22h, mais lâchez-vous autant que vous voulez. Ikram, c'est donc une demoiselle. Ma belle, t'es en forme? Oui, vous? Ouais, ça va bien. J'ai 16 ans, je voulais t'expliquer mes problèmes pour avoir un peu d'aide. En fait, je suis un boulet. Mes parents sont partis en vacances 3 semaines et ils m'ont laissé avec mon grand frère de 21 ans et ma sœur ainsi que son mari de 25 ans, mais tout le monde travaille donc je suis souvent seul. Oh, je te laisse continuer ton mail parce que ça a l'air terrible. Là, à mon avis, attention, là, on va. Pourquoi t'es un boulet? D'abord, excuse-moi. Oh, il crame. Oui. T'es un joli boulet, hein? Pourquoi? Bah, oh, excusez-moi, vous avez vu comme elle est belle, mademoiselle? Ah oui, elle est toute mignonne. Elle ouais. Ou pas? Wow. Ah, il y a le mec du premier rang, il a une petite érection avec son short, là, de moi ça. Bah oui, mon pote, t'es venu ça en short, je le vois d'ici, tu serais venu avec un pantalon, je l'aurais pas vu. C'est quoi ton prénom? Dan. Dan, on vient pas avec sa short, on voit tes couilles. Et à un moment, t'es tellement il est court. Tiens, oui, va dans le fond. Il est tout gêné. Range tes testicules. Bon, non, mais il y en a un en short, on voit que lui. Bon, alors donc, raconte-moi, joli boulet, pourquoi t'es donc ce boulet? Ben parce que je casse tout. Tu casses tout. Je casse tout et je gâche tout. Ah, tu me dis j'ai cassé mon téléphone et mon ordinateur. Mais comment t'as pu faire ça? Ben je sais pas. Ben mon téléphone, je l'ai fait tomber une fois, il ne marchait plus. Oui, et mes parents me l'ont réparé et je l'ai refait tomber samedi, je l'ai explosé. T'es un boulet. Mon ordinateur, il marche plus pareil. Et en attendant que j'ai un autre, que mon père me répare mon téléphone, ma meilleure copine m'a prêté un de ses téléphones, je l'ai cassé aussi. Ah ouais. Accumulant. Et donc du coup, bah, mon père, il doit me racheter un nouveau téléphone, mais il ne sait pas encore. Et il doit rembourser le téléphone de ma copine. Et mon ordinateur que j'avais cassé, il a réparé, et bien, il remarche plus. Il faut qu'il m'aille. Il y en a qui ont des malédictions comme ça. C'est pas tout, c'est pas toi. Tu peux parler, toi. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Lui, c'est quand même le seul mec qui nous parle au téléphone, qui joue avec ses clés de scooter, qui tombe dans la trappe d'égout. T'es beau, toi. Ah mais je suis pareil, moi. Bon, on continue. Attends, c'est pas fini. Ah, après, t'as fait de la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je cuisais des steaks et en fait je sais pas pourquoi j'ai posé la poêle sur la table en bois. Alors et voilà, brûlé. Alors prenez faisons une halte, un point cuisine. Ouais. C'est vrai qu'ils le disent pas beaucoup dans Top Chef, mais les poêles brûlantes ne se posent pas sur les tables en bois. Non, jamais. Non. Ni faire cuire des nouilles dans un tupperware en plastique. Non. C'est ça. Il y a des choses comme ça qui sont des règles de base qu'on t'apprend pas forcément mais qui sont logiques. Ouais, et ne pas mettre l'aluminium dans le micro-ondes aussi. Non. Dangereux. Non plus. Ah ça je savais pas. Ni les animaux vivants, bien sûr. Quand même. Non, il y a des trucs comme ça qu'il faut pas faire, tu vois. Et donc elle m'a envoyé la photo de la table, mais c'est pas le tout, elle s'est brûlée, jolie petite brûlure. Mais non. Ah non, mais sans déconner, mais faut que t'arrêtes de faire quoi que ce soit quand même. Mais c'est quoi, je suis un peu dans ce cas-là et je suis limite d'aller voir. Je me suis renseigné pour aller voir un magnétiseur. Je pense. C'est vrai. Pour un marabout, un truc. Il y a plus que ça. Ah, il y a plus. Ouais, ouais. Mais j'ai des périodes. Moi, je crois que c'était l'année dernière. J'ai tout qui a pété chez moi, en un mois. Mais il y a que ça, mon pote. Il faut tout démarabouter. Et d'ailleurs, Ikram, je pense qu'il faut qu'on raccroche vite. Tu vas nous porter malheur sur l'audience. Ouais, raccroche vite. Je pense qu'il va y avoir des émetteurs qui vont tomber en panne. Il faut raccrocher vite. Ça vient du prénom. Je pense. Tabidoui. De prédisposition. C'est en même temps, tu t'appelles Ikram et tu brûles la table. Il y a un moment, tu t'appellerais Inois, je ne me baignerais pas avec toi. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse, Ikram. À bientôt. T'es toute jolie en tout cas. C'est déjà ça. D'accord.

j'espère que tout va bien. Tout à l'heure avec nous, il y aura le super jeu qui va déchirer comme celui d'hier, parce que celui d'hier il était magique. Vendredi, il y aura qui? Soprano. Il y a quelqu'un du public qui l'a dit avant les gens de l'équipe. Merci mademoiselle. C'est quoi la prochaine fois? Je crois que je vais te prendre autour de cette table, parce que je pense que tu as été plus réactif que les gens de mon équipe qui sont en train de bouffer de la patate douce. Finissez ma bouchée. Ça va, merci. C'est... Rappelle-moi ton prénom. Nora. Le diable s'habille plus en Prada. Et ben voilà, il sera de retour pour toi. Le diable s'habille plus en Prada. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je rappelle que vous allez peut-être pouvoir rencontrer Shawn Mendes en tête à tête comme ça avec le bisou et tout à Amsterdam, 17 septembre. Vous bloquez votre week-end du 17 septembre et vous allez peut-être le voir. Hashtag Shawn Mendes Amsterdam, Koé sur Énergie sur Twitter. Suivez-nous en même temps sur Instagram et tout. Ah bah d'ailleurs, allez, c'est le moment de faire le défi Insta. Ah, vas-y. Viens ici avec moi, Loris. Je m'y attendais un peu. Ah bah, il était temps. Bah oui, il était temps. Depuis qu'on a commencé, t'as pas fait un défi. L'emploi fictif là. J'avoue. Putain, j'ai cru que j'étais dans une certaine mairie. Je te jure. Alors attends, bouge pas, on va faire une très très belle photo. Ne bouge pas. Mets-toi bien sur Instagram. Hein. Mais Insta, ouais, je te jure, ça m'énerve. Voilà. Hop, on fait une petite photo, toi et moi, regarde. Elle est très belle cette photo. Avec ta casquette et tes lunettes, on dirait un réalisateur de film. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça nous fait rêver. Un peu Spielberg. Non. Ah oui, sérieux. Sérieux. Je mets ma légende sur Instagram à 10 000 likes. À 10 000, wow. Ouais, c'est beaucoup, hein. Loris, en quoi tu t'étais déguisé la dernière fois? En Sacha. Hey, c'est bien, il a acheté le costume de Sacha, il l'a sorti 10 minutes, le dresseur de Pokémon. Ouais, le gars fait du vélo dans Paris avec. Eh ben mon pote, à 10 000 likes, je te renvoie dans Paris. En Sacha. Non. Et tu vas me capturer des gens dans la rue. Des Pokémon. Comme s'ils étaient des Pokémon. Le but c'est de faire chier les gens. Je vais te filer des boules en mousse. Oui. Et tu vas leur. Des Pokéballs, tu vas leur jeter dans la gueule. Et si jamais. Archi tendu, on va les capturer. Et s'il les rattrape, chap, épuisette. Tu les chopes comme ça. Et on te donnera quelques indications. On a deux ou trois endroits où tu peux aller qui vont être sympas. Ouais. Voilà. Va choper les gens dans la rue avec une épuisette. Il y a le Pokéstop du commissariat. Ah. Ah ouais. Il y a un commissariat dans le 8e. Ah, t'es obligé de passer par le commissariat. Ils t'attendent déjà, ils sont là, il faut qu'ils viennent, le gars. Ah, t'es obligé. Choper. Il y a un ronflex dans le commissariat du 16. Et tu vas aller chercher, mec. J'ai un vieux doute sur choper de paix. Mais capturé. Ah, y a un doute dans le public aussi. Il y a un P. Choper. Pour moi, c'est choper. Ouais, moi aussi, j'en ai mis deux. Hein. Non, un seul. Un P. Bah, c'est ce que je dis, un P. Voilà, dans le public, vous dites deux P, c'est n'importe quoi. Enfin. Mais si, vous avez dit deux P. T'as dit deux P. Enfin, les gens le savent, on a la bande. Écoute. Deux P. Voilà, alors. Tu vois bien. Ah là, tac. Si on arrive à 10 000 likes sur mon Insta. Ah là, je viens de faire tourner la photo. C'est juste celle en dessous d'où j'ai des cheveux. Hein, que vous verrez, il y a une photo où j'ai des cheveux. C'était beau. Qu'on l'envoie au commissariat un peu. Oui, non, puis qu'il y reste. Et puis qu'il y reste. Comme ça, on sera tranquille. Et puis on sera bien. Reste avec nous pour la suite. Dans un instant, il y aura Est-ce que ma maman, c'est la plus cool? Juste après Sib. On va découvrir ça. C'est celle qui va jouer. Ce sera qui? Ah, bah, ce sera un garçon. Et contre une fille. Bah oui, ils sont deux. Puisqu'il y aura une bataille de maman. Et voilà, oui. Battle. Laquelle qui sera la plus cool des deux? Suspense de ouf. Hashtag Koé saison 7 sur Twitter. Entêté grâce à vous. J'adore ce morceau. Il est calme, mais il est beau. Pas mal. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen up for your lies. You found septième année, c'est une année critique dans un couple. Pourquoi et son équipe, ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Envoyez vos snaps sur Coéoff, C-A-U-E-T-O-2-F. Il y a Pietre qui est là, ça va mon Pietre? Guiguette aussi. Ça va bien. Bon, Julie, on est à combien sur le snap? On a 1000 likes. Sur l'Insta. Sur Instagram, on a 1000 likes. Ah, c'est bien, ça va. Allez, à 10 000. En un titre, les gars. En 4 minutes, ça va. En 4 minutes. Je suis un insatisfait. Ah, oh, ben ça va, 1000 en 3 Continuez minutes. De nous mettre en TT avec hashtag Coé saison 7 sur Twitter. Discutez entre vous, envoyez de nouveaux messages, on les voit arriver directement. Il faut mettre hashtag Coé saison 7, sinon on ne voit rien. C'est le moment de la baston des mamans. Ah, oui. Deux personnes vont essayer de jouer pour dire que leur maman, c'est vraiment la plus cool du monde. Oui. On fait un bisou à Julien. Ça va, Julien? Salut, Coé, ça va? Ça va, mon gars. Comment s'appelle maman? Fetouma. Est-ce que Fetouma, elle est cool? Ouais, super. Vraiment? Ouais, super. Un grand cœur. Oh. Toujours en grand écoute. Il n'y a pas de soucis. Rien que ça, déjà, je trouve ça beau. Comment il a survécu? Ça beau, ce petit message comme ça, gentillesse sur la maman. C'est focus, t'as un truc à lui demander. Non, mais je trouve ça gentil de dire un petit truc comme ça. Ça va, Céline? Oui, ça va, super. Comment elle s'appelle, maman? Nadine. Elle est gentille, Nadine. Ah, au top. Oh putain, mais. Voilà, elle n'allait pas dire non plus, bah non, c'est une grosse conne. Non, ouais. mais elle aurait pu dire, elle est gentille, mais. Non, rien. Non, les non, deux sont. Non. Génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler vos mamans. Visiblement, on les a mis au courant en leur disant qu'on allait les appeler, c'est ça, mon appel. Oui. Ils savent pas pourquoi. Elles savent pas pourquoi on les appelle. Elles savent pas qu'il y a un concours. Il y a des questions. Et elles savent pas qu'il y a des questions. Je pose 5 questions c'est et ça. En fonction des réponses, je vais voir. On garde la meilleure. Je garde la meilleure maman. Mmh. D'accord? Qui reviendra peut-être dans la prochaine fois. On va faire un championnat. Ouais. On la garde, comme Jean-Luc Reichmann. Voilà. Elle sera encore là, comme Reichmann le midi. C'est comme l'étoile. Ouais. Sauf que chez nous, il n'y a rien à gagner. Hein. Ouais. La cagnotte. Ah, si. Ah bah la maman la plus cool, il gagne un cadeau. Et bien quoi? Et bien une Xbox One ou une tablette. Ah, puis à la maman, une Xbox One, elle va être contente. Ah non, pas la maman, mais pour l'auditeur qui joue. Elle va kiffer. Bon, on va appeler Nadine. D'abord, on commence par Nadine, qui est la maman de Céline. On l'appelle pour lui dire un petit bonjour. Et après, on appellera Fetouma. La maman de Julien. Voilà. Elle a un petit surnom, Nadine? Céline? Non. Non, d'accord. C'est compliqué, un surnom avec Nadine. Nana. Nadou. Nana. Didine. Ah oui, c'est allô? Allô, Nadine? Oui. Bonjour, comment allez-vous? C'est Coé, on est sur Énergie, vous allez bien? Oui, merci, je vais bien, et vous? Ça va bien, je suis avec Céline, votre fille. Enfin, façon de parler, je suis avec, par téléphone. Céline, fais bisous à maman. Bisous. Ah oui, salut. Alors déjà, elle a dit que vous étiez une super maman. C'est puisque vrai? Nous allons faire un jeu où nous allons élire la maman la plus cool du monde. Mais pour cela, je vais appeler une autre maman. Parce que si vous êtes la maman, le concours de la maman, et que vous êtes toute seule, c'est plus un concours. D'accord. Allez, il faut avoir la deuxième maman. La battle. La deuxième maman s'appelle Fetouma. C'est la fille de Julien. C'est la maman de Julien. C'est la fille. Oh, écoutez, ça va, hein, oui, je m'embrouille. Hein. Fetouma. Oui. Bonjour, c'est Coé, comment ça va? On est sur Énergie dans toute la France, le public, faites du bruit pour Fetouma. Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Mais ça va bien, on vous dérange? Non, pas du tout. Julien, il a dit que vous étiez une maman géniale. Non, pas du tout, elle s'en va. Ouais, elle s'en va, on vous dérange, non, je vais faire la cuisine. Fetouma, il va falloir parler bien près du téléphone. Oui. Bien près du téléphone, j'ai dit. Oui, bah je suis bien près non, du téléphone. Ah non, vous êtes éloigné là. Vous avez mis un haut-parleur, vous êtes éloigné, Fetouma. Hashtag mytho. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà. Fetouma, on ne ment pas, sinon je vous prive de quelque chose dans le week-end. Elle Julien, fais un bisou à Fetouma. À ta Comment? Maman. Julien, fais un bisou à ta maman. Salut maman. Bonjour Julien. Elle crie, bonjour. Attention, Julien. Vous êtes prêts? Voici le concours de qui sera la maman la plus cool. Je pose une question, vous répondez chacune votre tour. On commence par Fetouma. Fetouma, qu'est-ce que vous écoutez comme musique chez vous à la maison? Oh, comme musique, j'écoute un peu de tout. Chanteur préféré, je veux l'artiste préféré. Hein. L'artiste préféré? Oh, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, d'accord. Sûr. Nadine? Oui. Qu'est-ce que vous écoutez? Ah ben moi, c'est du reggae. Maman France D. Maman Space Cake. Maman Space Cake. Maman, va te faire un petit gâteau, tu vas dormir pendant 8 heures, mon chéri. Du reggae, genre quoi, Bob Marley? Non, du Lucky Dub. Oula! Oh, c'est pointu en plus. Ouais. Pour l'instant, Nadine, maman la plus elle cool. Elle marque un point. Avec du reggae, t'es cool. Ouais. Pour l'instant, un point pour Nadine. Fetouma, quelle expression de jeune vous dites souvent? Expression de jeûne. Ouais, genre vous faites un truc. Elle en dit peut-être pas. Hein. Bah oui, ou vous n'en dites pas. Bah, écoutez, je sais pas trop. Bon, je vous laisse réfléchir. Nadine, expression de jeûne. Ben moi je dis tu pues des yettes. Ah oui, ouais. Génial Nadine. Tu pues des yettes. Je reviens vers Fetouma. Fetouma, toujours pas de petite expression? Non, je ne vois pas comme ça. D'accord. Je suis un peu surprise, je m'y attendais pas du tout. Ah c'est vrai, je fais toujours cet effet. On continue. Est-ce que vous avez déjà donné, Nadine, des capotes à votre enfant avant une soirée? Docteur d'enfer. Non, là c'est grande. D'accord, non. Fetouma, est-ce que vous avez déjà donné un préservatif à Julien? Pas du tout. Pour l'instant. C'est lui qui prend ses précautions, il le sait ce qu'il doit faire. Ah. Oula, ça voilà. D'accord. Quel plat vous cuisinez le mieux, Nadine? Les pâtes. Fais pas trop chier dans la vie, toi. Non. Les pâtes. Fetouma, quel est le plat que vous cuisinez le mieux? Le couscous. Moi je mets un point pour le couscous. C'est meilleur que les pâtes hein. Ah bah c'est surtout plus compliqué de faire un couscous que des pâtes. C'est là c'est Fetouma qui gagne le point. Bon, ça veut dire que là c'est la dernière question. Ça veut dire que pour l'instant Nadine est largement en avance quand même. Hein. Mais il peut y avoir égalité avec la dernière question. Oh merde. Je fais la dernière. Allez, on y va. Fetouma. Oui. Je vais faire Nadine, ça vous dérange. C'est vraiment la dernière? Bah oui. Okay. Vous voulez pas celle-là? C'est sûr. Bah si, c'est la question subsidiaire pour déterminer la maman la plus cool. Oui. Nadine. Comment vous expliqueriez ce qu'est une gâterie à votre enfant si elle avait 15 ans? Je rappelle que là, il y a peut-être plein de parents qui m'écoutent qui sont en train de se dire « Merde, c'est vrai comment je vais expliquer ?» Pensez, imagez. Hein. Bah non. Oula, c'est très dur, ah non, ça. Hein. Comment vous l'expliqueriez? Okay. C'est comment vous l'expliqueriez? C'est pédagogique. Oui. Alors là, je sais pas. Je sais pas. Nadine. Quelque chose de bon, mais. Quelque chose de bon. Vous diriez c'est quelque chose de bon. C'est pas l'axe. Oui, voilà, ça s'arrête là. Mais non, c'est pas l'axe. Si par exemple on vient vous voir, on vous dit c'est quoi une gâterie? Ah, vous diriez quoi? Eh ben quelque chose de bon, ça marche. Hein. D'accord, je suis. Ouais. Fetouma, vous diriez quoi? Oh ben, je dirais la même chose, c'est quelque chose que tu peux apprécier si tu trouves ça agréable. Oui, mais ça explique rien. Ça explique rien. Comment expliquer l'acte? Ouais, c'est vrai que ça explique rien ce que vous dites. Ouais, mais ça va. Non, c'est pas non. Non, une gâterie, c'est quelque chose qui est bon. Doux. Imagine, ta grand-mère, elle te fait ta grand-mère, elle te fait un gâteau et dit ah, c'est donc ça une gâterie. Mais non, tu vois, il faut qu'il sache. Bon, hey, toi, tu iras te taper des films porno quand il sera tard, mais on peut finir l'émission. C'est ça. C'est son fantasme, c'est dis-le. Non, ils le diront pas, il est très tôt. C'est joliment dit, je trouve. Il est très tôt. Moi, c'est quelque chose de bon. Je trouve que c'est plutôt gentil. Et Julie est d'accord avec ça. Quelque chose de bon, ouais. Ouais, bon, qui gagne? Voilà, la piscine, c'est égalité. Ah, bah, c'est Nadine. Nadine, non? Nadine qui gagne. Elle a le reggae. Fetouma a gagné sur le couscous, mais Nadine a gagné sur le reggae. Ouais. Bon, elle est sur le tupu des yep. C'est Nadine, la maman la plus belle. Du coup, c'est Céline qui gagne. Bisous, Fetouma. Du coup, c'est Céline qui repart avec un cadeau. Bisous, mon Julien. Bisous, Céline. Bisous. Je t'embrasse, ma chérie. À bientôt. Il est notre invité demain, Claudio Capéo sur Énergie. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Merci bien pour la pièce en ce moment. vraiment c'est dur. Je confesse, moi je vais m'en sortir. Je l'atteste, toujours avoir un toit, une adresse. Souci de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Capéo sera notre invité demain. J'espère que tout le monde va bien chez vous à la maison. Hashtag Koé saison 7 sur Twitter. Faites tourner sur Insta. À vous d'arriver à 10 000 likes avec la photo que j'ai mis avec Loris. Dans ce cas-là, Sacha, le dresseur, repartira dans les rues de Paris avant la fin de l'émission et ira lancer des petites boules en mousse sur les gens pour les attraper. Et comme ça ne marchera pas, il aura l'épuisette. Et c'est, je pense que c'est surtout lui qui va se faire attraper. Mais ça va nous faire rire et ça fera une belle vidéo. Voilà. Et grâce à ça, on va aller à 1 200 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et je te dirai merci. Merci. Voilà. Alors, à combien on est? 2500 likes. Ah, 2500 likes, on se rapproche. Allez, dépêchez-vous par contre, hein. Dépêchez-vous de liker. Parce que là, c'est le retour. Allez faire un tour sur Insta, je compte sur vous. Il faut. Faites-moi un gros carton, il faut qu'on arrive à 10 000 likes. Là, on tu vois, 2500. Sans souci, tu rigoles quoi, 2500. Ça s'endort, ça s'endort. Ça s'endort. Un drame, les amis, un drame. Qu'est-ce qui se passe? Un drame. Je viens de lire un truc, au début, je l'ai lu comme une rigolade, et je vous annonce tout de suite. C'est un drame ce qui arrive. Ah, vas-y, dis-nous. Ah, mais vous vous rendez pas compte, tous les gens qui se réveillent le matin, là, qui écoutent leur horoscope. Qui disent ouais, il y en a qui regardent leur horoscope, qui écoutent leur horoscope à la radio le matin, qui croient des fois. C'est plus un truc de vieux à la base. Ouais, c'est un truc de vieux l'horoscope. Ouais. C'est un truc de vieux. Julie, c'est un truc de vieux, c'est un truc de vieux. Tu tombes dessus, tu tends l'oreille. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, on sait jamais. Tu le fais pas, toi? Non, si. Par contre, je crois vraiment aux signes, ce qu'ils disent, les caractères de chaque signe. Mais là, c'est en train de tout niquer. Il y a l'horoscope chez Manu. C'est en train de tout niquer. Matin, où il double le salaire. Bah, Julie, il voit que t'écoutes, c'est ça qui est bien. Donc, il double salaire, je sais. Il n'y a pas l'horoscope chez Manu. C'est pas son truc. Il y a l'horoscope le week-end sur Énergie. Mais pas. Je crois pas, non, non plus. On me dit non, non plus. Bon, non. En même temps, c'est pourri. Moi, j'ai fait des matinales. Moi, j'ai fait des matinales en radio pendant des années. L'horoscope, je l'écrivais juste avant l'émission. Bah oui, pareil. Donc, ce que je vais mettre aujourd'hui. Et je peux vous dire que les 5 premiers signes, j'étais inspiré. À la fin, c'était difficile. Bonne journée. Et tout va bien se passer. C'est, les mecs étaient poissons. Ils disaient toujours putain. À la fin, c'est en deux. Mais tout le monde fait ça. Bah oui, parce que tu crois que les astrologues d'RTL et d'Europe 1, ils se font chier regarder les étoiles toutes les nuits. Les mecs, ils sont là, ils font ton horoscope. Ouais, poisson, bonne journée. Ça pue pour le. Enfin, c'est pas tout pareil. Les caractères généraux, on va dire, c'est, j'y croyais à ça. Alors, ouais. Comme les prénoms. Sauf que là, ça va tout niquer. Non, visiblement, des gens, vous êtes d'accord avec moi que des gens qui sont taureaux, souvent, ils ont un caractère proche. Voilà, les scorpions, c'est des violents. L'arnieux. Les poissons, ils sont. Hop, c'est des artistes. Les, les capricornes, c'est un peu étonnant. Ouais, tu vois, les gémeaux, double personnalité, c'est pas faux ouais, tout ouais, ça. Ouais, ils sont rentrés dedans. Eh bien, tout est fini. Pourquoi? La NASA a actualisé les signes pour la première fois depuis 2000 ans. Écoutez-moi bien, c'est pas une vanne. Ouais. Le ciel est différent de ce que les astrologues antiques ont visualisé autrefois. Parce que les mecs se sont servis des étoiles pour faire les signes. À présent, les constellations annoncent un autre mois. 86% des personnes vivraient sous le mauvais horoscope. C'est horrible. Ouais. Je vais donc vous donner les dates correspondant aux nouveaux signes. Moi, tout s'est effondré. Ma vie vient de s'effondrer. J'ai changé de signe aussi. Moi, j'ai changé de signe en 3 minutes. Mais non. Capricorne, 20 janvier, 16 février. Ah, je suis plus Capricorne. Inverse. Verseau, 16 février, 11 mars. Ah voilà, je suis Verseau maintenant. Poisson, 11 mars, 18 avril. Ah, j'aimais bien Poisson, non, moi. Non. Mais si, c'est bien Poisson. Bélier, Bélier, 18 avril, 13 mai. Je viens de basculer Bélier. Mais si, je suis Bélier maintenant. Voilà. Bon, Taureau, Bélier, ça change pas trop. Ouais, ouais, c'est pas. Taureau, 13 mai, 21 juin. Oh là là. Gémeaux, 21 juin, 20 juillet. Cancer, 20 juillet, 10 août. Lion, 10 août, 16 septembre. Vierge, 16 septembre, 30 octobre. Balance, 30 octobre, 23 novembre. Scorpion, 23 novembre, 29 novembre. Pas ça dans le public, mais non. Bah si, je suis désolé, allez engueuler la NASA. Hein. Et Sagittaire, 17 décembre, 20 janvier. Et il te rajoute le Serpentaire. Ouais, ouais, qui est un 13e signe. Le 29 novembre au 17 décembre. Alors là, il y a des gens qui étaient dans un signe. Maintenant, ils deviennent Serpentaire. Son Pikachu. C'est une tête de serpent sur la panthère d'énergie. C'est le Serpentaire. C'est vrai, ouais. C'est comme ça. Putain. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis Sagittaire. C'est bizarre. Vous savez quand je dis que j'ai 29 ans, tout se rassemble. C'est la NASA qui s'est plantée. J'ai donc réellement 29 ans. Ouais, les étoiles, marche, tout ça, ils sont vraiment plantés. Restez avec nous. C'est un truc de folie. Dans un instant, on fera un dossier. Il y en a peut-être plein qui ont raté le bac au mois de juillet. Il y en a peut-être qui ont raté leurs études. Oui. On se fera un dossier tout à l'heure. Est-ce qu'on peut réussir sans les études? Voilà. Est-ce qu'on peut réussir et trouver un boulot kiffant? Ou est-ce qu'il faut absolument avoir un diplôme pour réussir aussi? Voilà. Ou est-ce que vous avez réussi un truc sans avoir le diplôme, juste parce que vous aviez une bonne personnalité? Dites-le nous. 0870 42 48. Allez-y, inscrivez-vous sur notre Facebook. On fait le dossier tout à l'heure. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Madeline? Oui. Tu es géomètre topographe. Tout à fait. C'est toi qui es en gilet jaune dans la rue et qui, avec des jumelles et avec des bâtons, là, tu tiens le bâton et tu mesures. C'est ça, tout à fait. Ah bah voilà, on vous voit souvent. Nico? Moi, c'est les gens que je croise et je me dis « Merde, les flics !» Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon, c'est le gilet jaune. Rendez-vous demain, 6h, 9h30 sur Énergie. Britney Spears. Découvrez Glory, le nouvel album de la reine de la pop. Britney Spears, son nouvel album, maintenant disponible. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je suis chargé de dire à tous ceux qui ont un véhicule professionnel équipé d'aménagements spécifiques comme un bras de levage d'une benne, une cellule frigo ou un hayon, qu'en cas de dommages matériels subis lors de leur utilisation, avec l'assurance Automaf Pro, ils peuvent être indemnisés en fonction du capital souscrit. Ça, c'est du spécial pro très pro. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option bris interne aménagement pro, détaillé dans le contrat auto pro disponible en agence et sur maf.fr. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore. Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Gagnez toute la journée. Votre compile Énergie Back to School 2016. Tous les hits de la rentrée réunis sur 3 CD avec en exclu Charlie Puth et Selena Gomez. Soprano. 21 Pilots. LV. David Guetta. Jennifer Lopez. Mom. Willie Williams. Zao et MHD. Calantis. Nash. Alvaro Soler. Kung. La compile Énergie Back to School 2016. Déjà dans les bacs. Leclerc. Papa, je te vois. Quoi? Je goûte. C'est un secret de mousse la laitière que j'ai acheté en promo chez Leclerc. Et c'est bon? Oh, si c'est bon. Chocolat au lait ou chocolat noir. Et avec en plus 40% de réduction immédiate. C'est parce que la gourmandise se partage en famille que du 6 au 17 septembre chez Leclerc, le pack de 8 secrets de mousse la laitière format familial de 472 grammes, plusieurs variétés au choix origine France, avec 40% de réduction immédiate, est à 1,13€, soit 2,39€ le kilo après réduction. Bon, modalité en magasin. C'est trop bon. Je sais. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le jour où tout a basculé, du lundi au vendredi à 13h30 sur Chérie 25. Je voulais le tuer. Vous êtes planté. Arrêtez quoi? J'ai été dénoncée par ma propre mère. Mais pourquoi tu m'as fait ça, hein? Pourquoi? Quand la fiction rejoint la réalité, le jour où tout a basculé, du lundi au vendredi à 13h30 sur Chérie 25. Comme tous les matins, j'étais sur le trajet du taf. Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac, les yeux rivés sur mon portable. Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard. Et je me suis fait faucher par une voiture. Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain. Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi. Mais cet accident, c'est le mien. Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Forfait mobile, 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. Petit message Peugeot en forme de devinette. Quelle est la différence entre une perceuse sans fil et l'utilitaire Peugeot Partner électrique? Eh bien, les deux se rechargent en 30 minutes seulement, mais la perceuse ne possède pas de banquette 3 places. Le Peugeot Partner électrique est à partir de 159 euros hors taxes par mois. Option charge rapide 30 minutes et prise de recharge à domicile offerte. Crédit bail 60 mois et 50 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstorePro.com. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Energy.com et vous serez avec nous dans le studio. Il y aura Willy William qui sera notre invité, qui sera là bientôt. Je me balade dans Paris. Vous avez vu mon petit coup de gueule sur Twitter sur Paris tout à l'heure? J'ai envoyé un tweet à la mère de Paris. Anne Hidalgo. Mais putain, elle a bloqué les quais dans Paris. T'as plus du mal à parler, toi. Ouais, Instagram. C'est dur à dire, Hidalgo, c'est très dur. Hidalgo, c'est très dur. Parce qu'elle a bloqué les quais et genre, c'est une merde quand tu vas aller dans Paris. C'est l'enfer, partout. Tout est bouché. Et elle dit, non, on a fait des études, tout va bien. Ouais, mais elle sort en voiture des fois dans Paris. Même la pollution dans le centre et tout, du coup, c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer parce que les voitures, elles roulent plus, tout le monde est bloqué, les camions sont bloqués, les bus sont bloqués. Mais là, il y a personne sur les quais. T'es resté bloqué. Et si, les quais, c'est pour trois blaireaux de Bobo en Vélib qui font, c'est génial les quais, c'est enfin pour nous. C'est super. Oh, j'ai ma barbe de hipster qui se prend dans ma roue, dis donc. J'ai vu, t'as tweeté ça. Bobo, il m'énerve, ils font chier tout le monde. Ils ont qu'à avoir une ville à Boboland, là, qu'ils aillent vivre, qu'ils cultivent leur salade, là, en faisant des balades, là, sur, en buvant du Beaujolais au Faust. C'est trop génial. On paye notre bouteille de Beaujolais. Ça dépend de notre éclat. Ça m'énerve, ils font chier, Faust, Bobo. Ils font chier. Vous l'êtes, vous deux. Vous me saoulez. Allez faire du roller. Allez prendre des grandes écharpes. C'est sympa d'aller faire du roller sur les quais. Mais oui, habillez-vous avec des pantalons orange et des hauts verts. C'est très joli. Je peux pas être beau, j'ai pas assez de barbe, là. Pousse pas assez vite. Toi, t'es qu'un beau. Voilà, je suis un beau. Je suis un bob. T'es un bob. Quand t'auras de la barbe, tu seras un bob. Pour l'instant, t'es un bob. Voilà, c'est tout. Oh merde. Bon, en attendant, les amis, il y a cette info qui vient de sortir. Et là, il n'y a pas d'info sexe. Dans un instant, on fera le dossier sur j'ai réussi sans mon diplôme, c'est oui, ça? Oui. Si vous êtes dans le même cas, j'ai vu. Ou alors, il faut absolument un diplôme pour réussir. À l'inverse. Il y a deux. Voilà. Ah oui, bah, Julie, enfin. Ah. Chérie, on va pas faire un débat pour ça. Tu te doutes bien que le mec qui appelle, qui est médecin, il va te dire qu'il faut un diplôme pour réussir. Oui, oui. Mais t'en as qui ont des diplômes, qui réussissent pas. Le mec qui va nous appeler va dire, écoutez, je suis chirurgien, ils ont rien vu. Hein, ça fait 15 ans. Mais c'est pas dans ce sens-là. J'avais une petite charcuterie, elle est lourde. Bien sûr, c'est évident. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des gens qui ont des diplômes, qui ont des bacs plus 5 et qui ont des bacs plus 5 et qui cherchent du travail et qui galèrent aujourd'hui. Voilà. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Et il y en a plein qui ont des diplômes et qui galèrent. T'as raison, voilà. Julie. C'est important de le souligner. En attendant, tu l'as dit plusieurs fois. Là, t'avais perdu. Mais vous savez quoi, il y en a plein qui ont des diplômes et qui galèrent. Ah là, pas faire du vélo sur les quais, il y a de la place. Donc, eh bien, on apprend qu'il y a des gens, ça n'a rien à voir, mais qu'il y a un petit garçon qui est né, on les félicite, hein, ils sont en Gironde, à Girac. Oui. Et ben ils ont appelé leur enfant Kenji. Ah putain. Kenji de Girac. Non. Kenji Girac. C'est drôle. Toute sa vie, le pauvre gamin. Le mec, il doit être auteur aux grosses têtes. Ta vie, c'est une vanne. Ouais. Le mec s'est dit, c'est moi qui suis allé déposer le gamin, j'ai rien à foutre, j'ai fait une vanne. J'étais bourré de la veille, j'ai fait une bonne vanne, ça va le tenir toute sa vie. Vous imaginez? C'est comme si vous étiez un gamin et que vous habitez Pau, pour les gens qui nous habitent Pau. Ouais. Votre gamin, vous l'appelez Polo. Polo? Pourquoi? Et toute sa vie, c'est ça quoi fait le rapport? Polo de po-po-po. Polo de po-po-po. Polo de po-po-po. Bon, t'es pas dans le tempo, sors. Bah moi, c'est Nicky Jam. Ah ouais, mais c'est Nicky Jam. C'est toi qui appuies sur le. C'est Nicky Jam qui appuie sur le bouton, peut-être. Voici Nicky Jam sur Énergie. On est vendredi. Mardi. Oui, mardi. Mais on sera vendredi dans 4 jours. Ouais, c'est vrai. Mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. On y sera. Nicky Jam, te roule. Comment tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle, rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así con ese movimiento minuto. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro y tú me dices, estás muy loco. Deja eso, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro, me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. Son équipe. C'est de toute beauté. Ben non, j'ai dit que c'était Koé. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Allez, on va liker la photo sur Insta. Koé officiel, suivez-moi au passage sur Instagram. On vous met plein de photos. Compte officiel sur Insta, c'est Koé officiel. Et s'il y a un mec qui vous dit qu'il peut vous offrir des iPhones, traitez-le d'enculé de ma part. Ouais, parce d'accord que c'est pas toi. Non, mais je commence à en avoir assez ouais, de ces mecs qui sont à l'étranger, qui m'énervent à faire ça, ça me rend fou. Et vous, là, excusez-moi, mais des fois, achetez-vous un cerveau. Vous voyez un Koé officiel qui a 1200 amis et même pas certifié. Vous mais je vois tout... qu'il y en a de plus en plus. Mais non, mais vous il y a êtes un mec tous... qui s'est non, fait mais... avoir par un faux compte de Kenji, pareil, il a envoyé des centaines de textos. Vous êtes tous des ultras. Vous m'écoutez, là, vous êtes jeunes, vous n'avez pas 110 ans, on serait animateur sur RTL, je comprendrais que vous fassiez avoir. Ouais. Mais vous avez tous compris que quand il y a un petit truc bleu, c'est l'officiel et que tous les autres, c'est pas officiel. Un mec qui a 1200 qui dit salut c'est Koé, envoie-moi 24 SMS et je t'offrirai un iPhone. Vous vous doutez bien qu'il y a un problème. Enfin moi je fais pas ça. Quand on vous offre des iPhones, on vous offre des iPhones. Bientôt oui, je vais vous offrir des montres sur mon Insta. Bah, à partir je vais vraiment moment... vous offrir des montres, mais je vous demanderai pas de m'envoyer un seul SMS. Je vous en offrirai. À partir du moment où c'est on pas envoie, sur la vous allez kiffer d'ailleurs le ouais jour où je vais vous faire ça. Je vous en parlerai. Mais voilà, ça fait pas. Quand on vous offre des cadeaux, des cadeaux. Et je vous demande pas d'envoyer des SMS en contrepartie. Ou alors c'est une OP sur énergie, oui, on fait c'est un ça jeu et c'est un SMS bien ou c'est le double hit. Oui. Mais sur Insta, sur Twitter ou machin, jamais je vous demanderai d'envoyer un SMS. Mais ne vous êtes pas, mais que vous êtes crédule. Et les mecs ils se font du blé avec ça. Hein. Ah bah mais oui, et va les chercher au fond du Kazakhstan, ah, toi. Ah, ah, ah. Le gars il s'appelle Koé, Manu, Guillaume. C'est vrai, il ramène. Kenji, tout... Kenji Adams. Ah mais même non. Le mec il a tous les noms de radio. C'est... Et le pire c'est ce que je disais la dernière fois, c'est les cagnottes lichti. Ils mettent des cagnottes lichti. Ouais, ah, j'ai du mal. Bienvenue chez lichti. Bienvenue chez lichti. La cagnotte lichti est pas violente, hein. C'est là où je suis vieille. Mais les cagnoles, comment? Litchi, litchi, comme le fruit. Mais excuse-moi, attends, pardon. Qu'est-ce que t'as, Julie, là? Entre Instagram et litchi. Je suis dyslexique. T'as un souci ou quoi en ce moment avec les mots? C'est quoi ce délire? Je sais pas, je dis toujours ça. Non, je dis pas, je dis gynéco. Tu dis le gynéco. Non, je dis gynéco. Hein, t'as dit gynéco là dedans. Je ne parle pas. Bah, si tu nous en as parlé, t'as dit je peux pas, j'ai l'acheté que tu as dit gynéco et tu me l'as dit comme ça. Alors, et donc? Non, et bref, et les cagnottes, ils font des cagnottes pour qu'on fasse des délocs. Et du coup, les gens mettent et ils font des cagnottes. C'est une bonne idée. Alors, attends, c'est pas inintéressant. Est-ce que les gens mettent beaucoup d'argent? Parce que d'ici à ce que ce soit la direction d'énergie qui ait lancé ça pour faire des cagnottes délocs. Non, mais c'est vrai, ils mettent pour que Koé et son équipe puissent partir au ski, machin. Je te jure. Sérieux. Sur nos profils, il faut des faux profils. Je vais y penser pour mes prochaines vacances. Vendredi à Soprano. N'oubliez pas, Shawn Mendes, vous allez pouvoir le rencontrer à Amsterdam. Les fans de Shawn Mendes, il faut que vous vous rencontriez, que vous fassiez tourner ce hashtag. Hashtag Shawn Mendes, Amsterdam, Koé sur Énergie. Ouais. Sur Twitter, vous faites tourner, vous allez le rencontrer là-bas. Et vous allez lui faire un bisou, il vous assistera à son concert privé. Et vous pouvez partir avec votre frère, avec votre cousin, avec votre père. Vous êtes ces deux invités à chaque fois. Oui. Donc vous n'êtes pas tout seul, si vous êtes jeune, vous avez 15 ans, dites mais comment je vais aller à Amsterdam? Vous pouvez emmener quelqu'un. Et comme ça vous serez bien. Dans quelques jours, il y aura LP, j'adore cette chanson. Elle ressemble à quoi? Je ne sais pas. À quoi ressemble LP? Je suis bientôt dormir, Alice, on t'entend parler. Alice? Oui. Je viens de t'entendre parler. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais fais voir LP. Attendez, excuse-moi. Non, t'es avec Alice. Allez. On regarde la tête. Fais voir. Là, tu ne passes. C'est sérieux? On dirait un garçon. Ah, il est gueux. On dirait Peretta. On dirait Julian Peretta. Mais c'est pas une nana, on dirait ça. Un frère, si. On dirait les Jonas Brothers à l'époque. Ouais, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Mais non, mais t'es sûr, tu t'es trompé. Mais non, il n'y a que ça. Regardez. C'est une fille, ça? Oui. Vous êtes sérieux? Mais non, c'est un mec. Mais non. Ah hein ouais? J'ai tapé LP chanteuse. Mais non, mais c'est un ventre de mec, ça. C'est horrible. Non? Oh là là. C'est pas beau comme concept. Non. Elle a piqué la veste à qui? Arrêtez, c'est méchant. Enfin, excusez-moi, les photos sont pas belles. Je peux pas dire que c'est beau. Non, je serais hypocrite en disant houhou, reçois un mannequin. Ouais, enfin, mais vous êtes sérieux, c'est Julian Peretta, c'est une vanne. Non, mais c'est vrai. Non. Ah, non, mais aussi, elle est mignonne, mais... là. Ouais, comme Julian Peretta avec des lunettes de soleil, quoi. Voilà. Aussi mignonne qu'elle. Oui. Bon, Alice, ma chérie. Pas de bouche non plus, ça va, Alice? T'as dit quoi? Oui, ça va. Bon, dans la série, est-ce qu'on peut réussir sans diplôme? Oui. On commence avec Alice, c'est le dossier du soir. Attends, on va voir si on a une autre photo. Non, on trouve pas. Non, mais c'est son frère qu'elle a fait. Ah, ben oui, c'est une blague. Mais sérieux, c'est pas elle. Mais c'est un mec, non? Je te jure. Mais on peut pas avoir. Excuse-moi, il y a mais c'est peut-être un mec d'ailleurs, non? Peut-être un mec, non? Laura Pergolizzi. On peut avoir ce physique et cette voix. Il y a un truc qui va pas. C'est vrai qu'elle a une voix très sexy. On imagine un peu Marina Kaye ou la petite qui était mignonne, qui avait un super morceau qui était plus chez nous derrière là. Merde, comment ça te plaît? Ben moi non plus, je vois plus. Mais je vois ce que tu veux dire. Non. Bon, en attendant, Alice, t'as réussi dans quoi sans diplôme? En travaillant en maison de retraite. Ah oui? Enfin, un petit diplôme quand même, non? Formation, non? Pipi, il faut des diplômes pour être soignante, mais pas spécialement après. Ah oui, c'est un petit diplôme. C'est une formation, non? C'est une formation. Voilà, il faut une formation pour être aide-soignante. Mais moi, personnellement, en ce moment, je travaille en maison de retraite et je n'ai pas fait de formation pour être aide-soignante ou quoi que ce soit. Je travaille en faisant des soins pour les personnes âgées. Mais on a le droit de faire des soins sans diplôme? Bien sûr. Ah bon? Je croyais que quand on faisait des soins, moi j'avais un truc d'auxiliaire, de puriculture. Non, puriculture, c'est les enfants. C'est l'inverse. C'est les enfants. Ça allait bien. C'est gériatrique. Mon avis, c'est gériatrique. Globalement, c'est les mêmes soins. C'est les couches. C'est les couches. C'est juste qu'il faut avoir de plus grands bras, quoi. C'est que pas qui est plus gros. C'est tout. On en parle dans un instant, ma belle, d'accord? On a le temps ou pas, là? Non, zic. Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a que de la musique ce soir? Excusez-moi, j'ai l'impression que. Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui parlent. Angélie, elle arrivera, attendra après. Il y a quelqu'un dans le public qui dit non. C'est toi qui as dit non? Amène le micro vers la personne qui dit non. Ou alors elle a un toc de la tête et elle fait non comme ça de la tête à chaque fois. Telle qu'elle dit, c'est nerveux, tu sais. Elle dit qu'on n'a pas le droit sans diplôme. Non, faut un diplôme d'auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, c'était ça. On n'a pas le droit de faire des soins aux personnes âgées sans diplôme. Tout à fait. D'accord, donc je t'annonce, Alice, que tu n'as pas le droit de faire le travail que tu fais. C'est comme gynécologue si t'étais garagiste avant. Il y a peut-être l'équivalent avec une formation, non? C'est de la mécanique intérieure, mais. L'équivalent avec une formation. Oui, sûrement. La dame a dit attends, oui. On revient vers la dame. Oui, oui, il faut une formation d'auxiliaire de vie. Ah ben oui, mais il faut une formation. Mais il faut un diplôme. Et tu vas arrêter, oui, toi, c'est une le formation diplôme d'auxiliaire de vie. Excusez-moi, madame, moi j'ai compris depuis tout à l'heure, c'est elle qui est un peu con. Non, mais tu... Elle est pas raccordée à nous. Et moi, j'entends, non. Je comprends tout ce que mais vous dites. Mais tu peux faire une formation sans forcément avoir un diplôme au bout, je suis désolée. Bah, tu n'as pas ta formation. Si, mais un point pour elle. Ça peut avoir une formation sans qu'il y ait un diplôme, forcément. Donc, je vais faire dans l'autre sens. T'es dentiste, t'as pas eu le diplôme, tu vas pas ouvrir ton cabinet de dentiste. On est d'accord. Dentiste, c'est un diplôme. T'as besoin du diplôme. Mais après, t'as des formations qui ne sont pas forcément des diplômes. Reviens vers la dame. Tu fais pendant 15 jours et voilà. Bah oui, bah un stage. Oui, bah stage. Non, la formation d'auxiliaire de vie, c'est 18 mois de formation. Bah oui, avec des stages. Enfin, les enfants, c'est une formation. À la fin de ta formation, tu as ton diplôme. Mais si tu fais qu'un bout de la formation et que tu n'as pas de diplôme, c'est comme si tu n'avais rien fait. Mais non, tu as des formations, par exemple, par la NPE et tu n'as pas de diplôme au bout. Tu es formé à apprendre. Non. Mais par exemple, pour être caméraman ou j'en sais rien, tu peux avoir une formation pour devenir caméraman sans forcément avoir un diplôme. Si, tu as un truc de ça s'appelle pas de diplôme, mais tu as un truc comme quoi tu as passé ce stage-là et que tu as appris quelque chose. Ah oui, mais c'est pas un diplôme. Tu as niveau 2, niveau 3. Ça ouais. Non, mais enfin, les amis, c'est trop facile. C'est comme si tu faisais chirurgien. Je suis en train de chercher un exemple. Tu perds les mecs et tu dis non, j'ai fait 9 ans. Je suis pas allé jusqu'au bout. Le jour-là, j'avais un tennis, mais j'ai fait 9 ans. Tu peux faire une formation de mec qui fait des hamburgers pour ouvrir ton food truck. Voilà. T'as pas de diplôme, mais tu fais hamburger. Les amis, les hamburgers, on s'en bat les couilles. Si tu le rates ton hamburger, tu rates ton vieux. Oui, mais c'est quand même une formation. Tu lui arraches une coucougnette ou tu mets de l'éther à la place de l'eau. Le vieux, il va gueuler avec ton hamburger. Tu veux faire une formation jusqu'au bout sans avoir un diplôme à la fin. Et voilà. Bon, reviens vers la dame. Laisse le micro à la dame plutôt que de la Est-ce qu'il y a un temps. Diplôme au bout ou pas ? Madame. Oui, il y a un diplôme. Ah, bah voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début. Moi, je veux comprendre depuis tout à l'heure, c'est les autres qui ont décidé de faire chier. Mais c'est toi qui dis qu'il faut pas de diplôme. On va reposer la question simplement. On est d'accord, si on n'a pas le diplôme, on peut pas le faire. On peut pas le faire. Merci, madame. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Alice. Oui. T'as pas le droit de le faire. T'as pas fait de formation, rien ? Bah, j'ai juste mon BEPA, mais c'est tout. Enfin, de service aux personnes. Mais sinon, je n'ai pas d'auto-formation, rien du tout. Et je fais quand même ce travail-là. Peut-être que tu n'as pas le droit de faire tous les soins et tout. C'est quoi un BEPA, ça ? Ça, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Il a fait caca. Ah, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Ah, mais j'ai mon diplôme. Fais rien, mais j'ai mon diplôme, mais je ne peux pas. Ah, ça, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Ça, c'est... Bon, Alice, il faudra que tu regardes quand même. Hein. C'est chelou quand même. Faudra que tu vérifies. Ouais. C'est d'accord, bizarre. Alice, elle rigole pas parce qu'elle vient de se rendre compte qu'elle a pas le droit de bosser. Alice. Oui. Passe par la porte de derrière à partir de demain quand même. Hein. D'accord. Et si on te demande, tu as ton diplôme ? Oui. Bisous, Alice. On l'a déprimé. C'est chelou quand même. Ah bah tiens, je suis médecin depuis 6 ans, j'ai pas mon diplôme et personne n'a rien vu. Ah bah voilà. On aura un auditeur dans un instant. Non, c'est vrai ça. Hein ? C'est vrai ? Mais non, Julie, c'est pas vrai. Non, dans un instant, à tout de suite, bougez pas. On revient après, Evangeline. My heart, take you away. Ce soir, on se fait le dossier. Est-ce qu'on peut réussir sans les diplômes? Je vous rappelle qu'à 10 000 likes, Sacha, notre chasseur de Pokémon, alias Loris, partira quelque part dans la rue choper des gens en leur balançant des Pokéballs en mousse. Mais pour ça, il faut arriver à 10 000 likes sur notre Insta. On a combien? On est Guéguen. On se rapproche, on a 6 000 likes. Ah, c'est bien. Continuez, dépêchez-vous, allez me liker cette petite photo. Vite. Julie? Oui. Est-ce qu'on peut parler du drame auquel assiste le public médusé depuis tout à l'heure? Parce qu'on a quand même un public qui, depuis tout à l'heure, voit Julie en train de faire un sketch. Scandale. Mais, vous êtes d'accord, le public? Un scandale. Mais j'avais envie de patates douces. J'ai des frites normales. Écoutez-la, la bobo. Je veux des patates douces. T'as qu'à bouffer des frites de la patate dans ta gueule. Mais c'est trop bon, les frites de patates douces. C'est douce, tu seras Picardie, tu dirais de la patate douce, tu dirais de la patate, ouais. Comme ça, patate douce, on en a pas, que de la patate douce. Arrête, c'est douce. Eh bien, Julie a commandé un hamburger avec des patates douces. Bobo boulognon. Vous voulez dire un hamburger chic. Pas un McDo. Je suis verte, il y a un oignon dedans, je voulais pas d'oignon. Et depuis tout à l'heure, les mecs ont mis des frites. Oh, les pauvres. Ils m'ont mis des frites. Excommunions-les. Oh là là, mais brûlons-les sur la patate. Non, mais j'ai commandé exprès là-bas pour avoir les frites de patates douces. C'est comme si tu commandais japonais et qu'à la place, t'avais un hamburger. C'est pas pareil. Est-ce que c'est une raison? De quoi? Pour depuis 10 minutes faire chier tous les assistants. Parce que j'en avais envie depuis tout à l'heure. Écoutez-moi bien. Depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes qu'elle essaie de faire chier tout le monde en disant comment je peux les signaler pour mes patates douces, parce que comment je peux les renvoyer, je peux les attaquer. Bon, bah là, c'est quoi? Je vais tweeter que j'ai pas mes patates douces. Et on a été obligé de lui dire tweet pas des patates douces parce que ça va être ridicule. T'es chié parce que toi, dès qu'il y a un truc qui va pas, t'es vénère aussi et tu veux qu'on te change tout de suite. Moi, je parle pas la bouche pleine. Ouais, déjà. Ouais. Merci, Julie. Allez, on continue. Le dossier réussir sans diplôme. Jessica, ça va, ma chérie? Oui, ça va. Oui, t'es où, Jessica? T'habites où? De Rouen. T'habites où? Rouen. Les vacances étaient bien? Ouais, ça va. Bon, d'accord. Ça n'a pas l'air fou. T'as 22 ans, qu'est-ce que tu fais? Je recherche du travail. Ouais. Et c'est quoi ton diplôme? J'en ai pas. Ah, d'accord. Ah, bah comme quoi, tu vois, des fois. Donc ça rentre pas dans le débat. Ça rentre pas du tout dans notre. Alors, Julie nous a vendu le débat, c'est des gens qui sont bardés de diplômes et qui n'ont pas de travail. On est d'accord. Et là, c'est l'actuel inverse depuis. Oui, mais entre-temps, il y a eu le problème de la patate douce qui est venue tout foutre en l'air. Alors, elle me prend les premiers auditeurs qui viennent qui n'ont rien à voir dans le débat. Oui, je vends un vélo. Mais non. Mais vous avez rien. À la base, elle était cuistot chez Patate Douce, mais elle vient de se faire virer. C'est ça. Quand je vous briefe hors antenne, vous comprenez rien en fait. Il y a ceux qui ont leur diplôme qui ont réussi, il y a ceux qui ont leur diplôme qui cherchent du travail, et t'as ceux qui n'ont pas de diplôme qui galèrent, et ceux qui n'ont pas de diplôme et qui réussissent. Oui, mais enfin, Julie, donc on a tout. Oui, on va passer ceux qui n'ont pas de diplôme et qui ne trouvent pas de travail. Malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup. Bah oui, mais il faut voir à quoi c'est lié. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de diplôme. C'est vrai que, ma chérie, dans quoi tu cherches? Dans la restauration. Ah, en théorie, restauration. Normalement, tu dois trouver. Il y a encore plein de monde dans un instant. Il y aura Chris, il y aura Zaloua. Ne bouge pas, Jessica, on va revenir.

Camille, ne ratez pas Soprano. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Pas le retour de Maître Gims. Ça paye comme jamais. Jamais. Ça paye comme jamais. Jamais. Ça paye comme jamais. Jamais. Non, vous pouvez faire un plus beau jamais, le public. Ouais. Ça paye comme jamais. Jamais. Non, mais c'est pas une... jamais. C'est... Jamais. Jamais. Bon, maintenant, l'heure est grave. J'appelle pour la deuxième fois notre stagiaire, s'il te plaît. Peux-tu te rapprocher? Alors, nous avons commencé l'émission sur cette photo de profil de toi avec le logo Énergie. Qui ne ressemble donc pas du tout au bonhomme original. T'as fait exprès, il y a rien à dire. Déjà, j'ai pas dit. Moi, j'ai une tête de tueur. Salut, moi, c'est Guillaume. Alors, je vais pas faire space montagne avec toi, je passe pas au-dessus de la barre. Donc, vas-y, je t'attends à la sortie. Bon. Non, et alors, non, j'avais pas vu les photos Insta, mec. C'est toi, ah merde, Julie, il faut que tu remettes ton code. Celle-là, elle est magique. C'est quoi ton code? D'accord. Dis-le, c'est quoi ton code? Ouais, 69-69. Ah, la traîtresse. Voilà. C'est quoi ces photos torse nu? Regardez-moi ces photos. Bodybuilder. L'autre sur Insta, il met des photos de lui. Ah, le Booba blanc. Mais ça, c'était en 2012. Réaliser son trucage, hein. C'est là-bas. Tu peux pas te retourner les doigts parce que c'est trop musclé. Mais c'était mec, une époque révolue, ça. Arrête tes conneries, putain, à dire qu'il y a des gens qui se sont foutus de ma gueule parce que j'ai posé trois photos cet été dans la piscine, mais ça. J'étais en train de. Je faisais de la muscu à l'époque. Mais on dirait pas. À l'époque, c'était quoi, il y a deux vies? C'est fini ce temps-là. Mais arrêtez, je suis carré quand même. Je suis plutôt beau gosse, arrêtez. Non, mais... Bon, allez, va. Allez. Allez, je te pardonne, tu me fais rire. Ah, merci. Allez, merci. Allez, je vais m'occuper des gens dehors, parce que sinon. Jessica, bienvenue, comment ça va Jessica? Ça va. Jessica, faut que je te présente Guillaume, notre stagiaire. Faut que tu le rencontres un jour. T'es une meuf Guillaume ou pas? Non, parce que j'en ai pas, parce que j'ai fait trop de muscu à un moment donné. À chaque fois que je les rencontre. Je comprends pas parce qu'elle me kiffe sur les photos, puis quand elle voit, elle t'arrives pas à comprendre pourquoi, disons. Mais t'es célibataire. C'est certainement pas la muscu, elle me voit, elle trop musclée, donc tu comprends. Bon, c'est pour ça quoi. Jessica, c'est pas cool, franchement. T'as un mec? T'as une copine? Puis maintenant. Ah bah, allez, elle m'a vu. La dernière fois, il y aurait 18 secondes. Bon, allez, on va faire un verre, allez, parti. Vous êtes vraiment sérieux sur la voix là? Ah, un peu, hein? Non. C'est la même. Est-ce que tu comptais faire de la radio? Non. Je croyais que tu comptais rester stagiaire. Ah bon? Tu veux dire maintenant? Ouais. Allez, on verra pas. Non, mais attendez, j'ai vraiment ce cheveu sur la langue. Sérieusement? Ça va être sympa, tu veux travailler sur une radio Énergie un jour? Énergie quoi? Ah non, mais j'ai aucune prétention. T'as travaillé dans une locale, t'as une tête à avoir bossé dans une locale. Non, t'as bossé où toi? J'aime bien les équipes. T'as bossé où? Donne le nom de la radio locale où t'as bossé. France Bleu 107 ans. Chanté, t'es sûr. Eh, hey, salut, bienvenue sur France Bleu 107 ans. Non, mais il y a les web radio. Alors, je peux m'envoyer le disque. C'est trop musclé. Je peux m'envoyer le disque. France Bleu 107.1, trop musclé. Ah, on l'aime bien, bordel. Il y a les web radio, il y a Énergie Zozote. Énergie Zozote. Tu proposes à Jean-Paul Énergie Zozote. C'est délire, des cheveux sur la langue. C'est des bâtards. C'est quoi ce délire là? Un cheveu roux en plus. Tu veux pas faire. Tu veux pas faire. Roux Zozote et muscu. Salut, bienvenue sur Radio Rousseau Zot et Muscu, c'est la radio. Non, j'avais fait ce coup du cheveu sur la langue là, sérieusement. Il est dégoûté. Vous êtes sérieux là? T'es la musique que vous écoutez quand vous faites des poids. Oh, c'est trop lourd. Ah oui, t'es en train de tendre mes muscles. Plus une photo Instagram. J'ai réduit par contre la technique. Tu le fais trop bien. Pour être vraiment bien. Ah, regarde, il va nous sortir un tuto maintenant. C'est vraiment. En fait, tu te prends en photo une fois que tu as fait ta muscu et tu dis que tu la commences. Et alors là. Tu fais chier tout le monde, arrête. T'es trop France Bleu 107.1 là. Arrête. Jessica, dans un instant, on sera de retour, ma chérie. Toi, t'as toujours pas de taf, c'est toujours la même. Ah oui, t'as pas trouvé depuis 7 ans. Oui, on a dit qu'on allait l'aider. Chris, toi, tu vas nous dire pourquoi on peut réussir sans diplôme, c'est ça? Ah, ça, c'est intéressant. Tu vas nous expliquer dans un instant, mais j'avais une info importante pour vous dire de faire l'amour. Ah. Parce que vous, sinon, les gars, vous risquez de perdre 1 à 2 cm de sexe. C'est sûr et c'est certain, c'est scientifique. Ah, si moins ça travaille pas. Si moins tu fais l'amour, moins de sang va dans ton sexe. Si moins de sang va dans ton sexe, moins ton sexe se développe et tu peux perdre de 1 à 2 cm. C'est énorme. Avec, hein. C'est clair, hein, c'est petit pour ah bah, moi. Moi, je vais vous dire, j'y retourne. Hein. Ah, bah oui. Ah, non, ça me fait trop chier de passer sous la barre des 19. Attends. Excusez-moi, j'ai mis du temps à le travailler. Ce score-là, je ne vais pas passer sous les 19. Ne bouge pas, Chris, on arrive dans un instant, d'accord? Après mon pote Martin Garrix sur Energy. C'est le nouveau. Il est bien celui-là. Doulette, les gars, parce que vous allez faire un peu de pipi. La pipi, vous allez faire pipi quand je vous le dis, hein, d'accord? Sur Facebook, vous allez arriver 19. France Bleu, t'en fais tard. Bienvenue sur Energy dans toute la France. Et France Bleu, t'en fais tard, surtout. This was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Of love. When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. C'est l'heure du coming out de Koé. Du comeback, pardon. C'est un lapsus. Bah oui. Mais au moins comme ça, vous êtes au courant. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est là. Excusez-nous pour cette petite rigolade qui a 3 minutes, mais ça nous fait trop rire. Bon, t'as mis les deux photos? Ouais, j'ai mis les photos. Alors, sur le Facebook. On vous a fait tourner sur notre Facebook. Allez sur Koé officiel sur notre Facebook et vous verrez donc la différence entre la photo vignette et la réalité. T'es pas une bonne, t'as pas une bonne. Cette tête que t'as sur la deuxième photo. Bon, en attendant, continuez de liker la photo de Loris et de moi sur mon Insta. Koé officiel, je rappelle que si on arrive à 10 000 likes, il part en Sacha. Chassé. En Sacha chassé du Pokémon. Ah ouais, c'est dur. Pokémon. Il part en du Sacha Pokémon. Vas-y, dis-le. Et après, tu te fous de ma gueule. Vas-y, dis-le. Sacha part sachet des Pokémon. Allez, voilà. Merci. Donc, il part sachet. Sacha est passé ses choses. Oh merde, arrêtez de m'embrouiller. Sacha va. Sacha est parti chasser des Pokémon. Dis-le. Merci. Sacha va chasser. Donc il ira prendre des Pokémon dans la rue. Voilà. Et, capturer. Et en leur balançant des Pokéballs. Et sinon, il les capture avec une épuisette. Ça se passera tout à l'heure. Faut qu'on arrive à 10 000. Sinon, Loris ne sort pas. Alors, moi, je veux bien que vous vouliez des vidéos de Loris dans la rue. Mais s'il faut arriver à 10 000, les amis. On a combien là? On a 7 005. Ça va. On n'y est pas là. On attend. On n'y est pas. Jessica, toujours pas de diplôme, toujours pas de boulot. Je prends des nouvelles régulièrement, toujours pas alors. Très bien. Chris va donc vous donner 2-3 infos pour les gens qui n'ont pas de diplôme et qui pourraient réussir à trouver du taf. Alors pareil, vas-y, j'ai envie de savoir ce que c'est. Voilà, on écoute. Voleurs et vendeurs de drogue ne rentrent pas dedans, sommes d'accord. Hein. Salut Koé, salut toute l'équipe. Et salut à toi. Ben, en fait, je vais pas vous donner des astuces, hein, mais voilà, c'est juste pour parler un peu de mon parcours, de ce que j'ai fait. Ah. Donc en fait... ben voilà, moi j'ai passé 2 CAP donc que j'ai pas eu parce que je me suis pas présenté à l'examen. Oui, c'est con parce que tu t'es tapé tout le plus dur avec les cours et tu vas pas à l'examen. Et ouais, c'est bête. Voilà, ben, en fait j'étais vraiment pas une flèche à l'école, alors c'est pour ça que ben ça m'a pas intéressé à la fin et puis ben j'ai rompu le contrat en fait à quelques jours de l'examen, enfin peut-être un mois. Cool. Et puis ben aujourd'hui ben je travaille quand même et je suis responsable technique dans le domaine du chauffage écologique. Donc voilà. Il faut pas de diplôme pour ça. Tu fais partie de ces gens. Tu fais partie de ces gens que je trouve absolument géniaux, qui a un métier que tu ne comprends pas. Tu sais, t'as des gens comme ça. Des fois, ils te parlent de leur métier, ils te disent bonjour, je suis responsable technique dans du chauffage écologique. Mais si, tu vas faire des diagnostics. Et là, tu fais. T'imagines pas du tout ce qu'il peut faire. Là, qui dit je suis boulanger. Tu vois ce qu'il fait le boulanger. Je suis proctologue. Tu sais où il a les mains. Oui. Là, je suis d'avis. Là, si t'imagines que c'est dans les panneaux solaires, des trucs comme ça, tu vas faire des diagnostics de chauffage, machin. Voilà. Je fais les validations de chantier, les visites techniques, les visites de courtoisie, toutes ces choses là, quoi. Visite de courtoisie, je comprends, mais pour le reste, il y a le mot technique dedans et contrôle, c'est que tu dois avoir des diplômes pour ça normalement. Il arrive, c'est alors, bon. Là, il y a du soleil, donc on ne peut pas avoir des diplômes, alors peu importe les diplômes que c'est, mais après les formations, c'est plutôt les formations en usine. Il n'a pas de diplôme, résultat, les mecs ont froid. Il va voir les gens, ils font ça marche. Bah non, ça marche pas, mais j'ai pas de diplôme. Bah oui, d'accord. Bon, mais au bout d'un moment, on vend et après, ils se débrouillent. T'as réussi, c'est le principal, mon pote. Voilà, c'est ça. Bon, je te fais un bisou. On a où là? On a où? Qui n'est pas passé? Zalois n'est pas passé? Zalois? Salois. Salois? Oui. Bonjour, 35 ans, bonjour, ça va ma belle? Ça va? Ça va, ça va. Alors, on y va, de quoi on parle toi? T'es époux, il faut avoir un diplôme, t'as un diplôme, t'as pas de diplôme, t'as du boulot, t'as pas de boulot? T'es pilé? Moi, je suis sans diplôme et j'ai un petit boulot. Sans diplôme et un petit boulot. Ah oui. Voilà. Généralement. Donc en gros, tu vas pencher dans la balance qui est de dire que si tu veux avoir un bon boulot, il vaut mieux avoir un diplôme. Ouais. Ouais, clairement c'est ça. Si tu veux un bon boulot, faut un diplôme. Exactement. Tu fais quoi comme boulot? Vendeuse. De quoi? Prêt à porter. Il y en a beaucoup de vendeuses qui nous écoutent. Et ouais. Ça peut être cool, vendeuse. Si tu vends bien, si dans un magasin où t'as la bonne commission, tu peux t'en sortir bien à la fin du mois. Ouais, mais non, j'ai pas en commission. Mais non, le gars il est revenu. Le gars il a craqué. J'ai envie de dire flash spécial France Bleu, t'en fais un. Qu'est-ce que t'as à venir torse nu? Le gars il est chaud maintenant. Je me sens maintenant, je me sens stock et tout. J'ai jamais fait genre t'étais stock. Non. Bah quoi? Non. Et puis t'as les tétons qui plongent vers ton nombril là. C'est normal. Du coup maintenant je me sens trop à l'aise et tout. C'était comme ça l'ambiance à France Bleu 107. Ah, pas tout à fait. C'était genre on est torse poil dans les couloirs. Arrêtez pas de côté, t'es tout, fais de la vécu. C'est quoi, reste comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Pour la peine, tu restes comme ça, tu te rhabilles pas. Et contracte, tu peux plus rester. C'est tout. Salwa, je te fais un gros bisou, ma chérie. Ok, bisous à tous. Je t'embrasse. Je peux faire une dédicace avant? Vas-y, fais-le, bien sûr. Et après, on terminera par Yanis. Ah, cool. Donc, je fais une dédicace à ma pote Marion, à mon fils Nagi, à Idar Talal. On l'a perdu là. Jean-Zébri, Dom le Midi, le bâton magique, Raël et Danto. Voilà. Le bâton magique. Faudra qu'on s'en parle de ça. Il était un peu tôt. Hein. Gros bisous. Alors, moi, j'ai gros juste bisous. Un truc tout con, si t'as pas de diplôme, aujourd'hui, si t'as pas de diplôme mais que tu parles anglais, surtout, enfin une langue étrangère, mais surtout anglais, franchement, du taf, t'en as. Sérieux. Il y a plein de trucs, il y a plein de jobs qui recrutent même dans les. Et tu peux faire des salaires qui sont vachement plus importants. Aujourd'hui, t'as pas de diplôme, tu fais serveur, tu vas toucher une paye de merde. Si t'es à Paris et que t'es serveur et que t'es bilingue, eh ben mon gars, tu vas taper, sera pas dans les grands hôtels, partout. Et après, si t'es une meuf, ça dépend de ton physique. Oui, il y a ça aussi. Si t'es très jolie, tu peux être serveuse dans des grands trucs, dans des trucs branchés, dans des bars, genre Miami, machin, et tu gagnes très très bien ta vie, t'as pas un diplôme. Mais t'es bien gaulé. Mais l'anglais, c'est super important. Je sais que ça vous fait chier, tous les ados là, mais c'est super important et ça peut sauver la life, quoi. Moi, j'ai fait une formation d'anglais, hein. Ouais. Non, mais après, ouais, forcément, t'as pas de diplôme derrière. Bon, Yanis, on termine avec Yanis. Yanis. Oui, Koé. T'en es où, toi ? Bah écoute, moi j'ai 25 ans, je suis à la fac et concrètement je suis en train d'arrêter mes études. Mais t'es prof, non ? Non, t'es élève ? Non, non, pas du tout. Encore ? Non, je suis élève. Je suis élève. Et ? Et voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que je vais changer d'orientation parce que alors j'ai fait pas mal d'années de droit, en fait. Et excusez-nous, le feuilleton continue. Ouais. C'est ça que le stagiaire se sent pis ce soir. Là, il est en train de se mettre à poil carrément. Le mec, il se met en caleçon, quoi. Donc il a en craquage total. Hein. Je suis chaud. Arrête ta musique, toi. Ouais, parce qu'elle est pas le top, la musique. Vas-y, continue, Yanis. Fais comme si de rien n'était. Hein. Où t'as rangé ta vie ? Alors, en gros, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je compte recommencer un parcours, en fait. Je vais faire un parcours dans l'informatique parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas su trouver ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait dans la vie, concrètement. Ouais. Et le gros souci que je peux reprocher, entre guillemets, à l'école, le collège et le lycée, et là, vraiment, je m'adresse à tous ceux qui rentrent à l'école, intéressez-vous le plus vite possible à ce que vous aimez, vraiment. Essayez de trouver un truc Il a tellement raison. Faut être passionné. Non, il faut... Ça aide, en tout cas. Vous serez meilleur à trouver un job dans un truc dans lequel vous êtes passionné, même si vous n'avez pas le diplôme. Ouais. Encore une fois, ça ne marche pas pour cosmonaute, médecin. Non. Mais si vous arrivez dans un job et que le mec vous dit vous avez le diplôme, non, je ne l'ai pas, mais je kiffe ça depuis que je suis jeune, j'ai toujours et que vous êtes un passionné du métier, il aura envie de vous prendre. Et aujourd'hui, les employeurs, ils préfèrent des gens motivés que des gens qualifiés. Moi, je prends que des gens passionnés dans l'équipe. Hein. La preuve, le gars est passionné, quoi. Le gars se met à poil. Tu vas t'arrêter. Excusez-nous, l'autre maintenant. Hé, hey, t'es mis tout nu. T'es sérieux, mec? Mais arrête, mais c'est quoi ce cul blanc? T'en veux que t'as... Hey, tu t'es musclé le haut du corps, mais pas le cul, visiblement. Hein. T'as oublié l'arrière. Regarde, il court, il fait le tour du studio. Non, mais j'hallucine. Mais va t'habiller, mais d'où il s'est mis la poêle? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, c'est des cheveux gosses, ça y est, je m'arrête. C'est ça, le gars a pris la confiance. Recule. Mets-toi loin. Recule. Rattrape. Eh bien, t'approches pas de moi. Va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Faire un câlin à Coco. Va-t'en. Non, mais je t'en voudrais. Va faire un câlin à Pietre, il kiffe. Je te fous dehors, moi. Mais vas-y. Câlin, Pietre, câlin. Te rapproche pas de moi, s'il te plaît. Bienvenue sur Énergie. Dans un instant, après Soprano, on aura le super jeu tout à l'heure. Merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que tout va bien. L'émission est loin d'être finie. Tout à l'heure, après le super jeu, on s'occupera du ça t'emballe ou ça t'emballe pas. Je sais pas si on aura le temps de le faire. Je sais pas si on aura le temps, on verra. Mais on ira pourrir le match de quelqu'un. Ah oui, puisqu'il va y avoir France, Biélorussie. Et on s'occupera de ça tout à l'heure. Allez, merci. Et grâce à vous, on est numéro 1 tous les soirs. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand dégât de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Je suis chaud. L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirik ou ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu.

ce temps chez Renault Service. Allô chérie ? Oui, ma voiture est en révision, elle est immobilisée. Bon, du coup, je pourrais pas venir chez tes parents. Ouais, je sais, c'est trop bête. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé, le coût de la voiture immobilisée, mais chez Renault Service, le véhicule de remplacement est inclus dans la révision. Ah, super ! La révision de votre voiture ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Renault de moins de 6 ans. Voir conditions sur Renault.fr. Soprano, oh, Alvaro Soler va venir nous voir bientôt. J'adore cette chanson, moi. Il était venu la chanter en exclu au mois de juin. Oui. Mois de juin, hein. Oui. Pietre, il s'en souvenait pas, mais il est venu. Non. Saison 7, toujours entêté. Attendez, je vais prendre des nouvelles. Jessica, elle est toujours là. Toujours, pas de travail, pas de diplôme. Mais on peut pas l'aider, qu'est-ce les gars. Qu'est-ce que tu fous, Jessica? Je t'ai laissé 25 minutes. Mais même pas CDI, rien. Jessica, contrat, y a pas. Jessica, il va falloir que je t'aide maintenant. C'est important. Tu vas me dire ce que tu cherches. Je cherche un contrat dans la restauration. Cette demoiselle, elle est jolie. J'ai la photo, preuve à l'appui. Elle est jolie. Oui, mais ouais. Pour bosser dans la restauration, il faut être un peu plus. Ça dépend, si c'est dans les salons de thé pour personnes âgées, c'est voilà. Calme. C'est calme. Ça dépend. Voilà, mais elle est peut-être speed là, elle est intimidée, elle a la radio, c'est 25 minutes qu'on lui demande si elle a trouvé du boulot. Donc, dans quelle région ? Rouen ? Oui. Bon, alors, et tous les restaurants que tu essaies, ils te disent non ? J'ai fait des essais et tout, mais pas pour les contrats. Juste des petites journées, des petits extras, mais pas vraiment. S'ils t'ont pas gardé pour l'extra, c'est compliqué, non, c'est... Non. Pour la plonge et tout. T'as fait une journée et à la fin, ils t'ont dit merci, au revoir. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai les extras, j'ai un peu partout. Donc du coup, quand il n'y a pas de permis, ça ne suit pas. Et t'as pas envie de faire autre chose ? Eh oui. Du coup ? Le domaine de l'aide-soignante, oui. Aide-soignante. Le domaine aide-soignante. Ah, mais t'as pas une formation ? Oui, mais tu peux faire une formation. Ah oui, il faut que tu t'y mettes. Oui, mais les formations, ça ne suffit pas. Non mais aide-soignante, si t'as pas de formation, ça va être un peu compliqué. Globalement, il y a des secteurs qui embauchent plus que les autres. La restauration, ça a pas mal embauché par un moment. Là, en ce moment, s'occuper des vieux, globalement, il y a du travail. Hein. Ouais. Franchement, si vraiment tu cherches, après, faut pouvoir le faire. Hein. Mais franchement, ça, dans ce secteur-là, ça embauche de ouf. Mais aider les gens à la maison, quand vous êtes des aides auxiliaires de vie, c'est des formations. C'est pas super long à faire, ça, non? Parce que je sais qu'ils offrent ça maintenant, les formations du, justement, de la NPE. Mais t'as pas besoin d'avoir de formation pour t'occuper d'une personne âgée. Mais on vient de le dire tout à l'heure, mais voilà. Il y a une formation. Oui, t'as une formation, mais t'es pas obligé. Tu peux trouver du bouche à oreille et aider comme tu fais du babysitting. Ah oui, mais ça c'est pas déclaré, tu cotises pas, c'est rien, c'est la merde. Tu fais du babysitting. Ouais. Non, mais ma maman, moi quand j'étais jeune. Quand il dort trop longtemps au bout de 4 jours, c'est que c'est mauvais signe. Non, mais ça c'est. Il dort bien, ça fait une semaine, il dort bien, il bouge pas. Ça pour les jobs d'été, ils le font, ça pour les ados. Mais oui. Du babysitting. Et moi, je te promets, ma maman, elle faisait ça quand j'étais jeune. Elle s'occupait des personnes âgées. Elle faisait une semaine sur deux. Elle faisait jour et nuit, etc. Et elle avait aucun diplôme pour s'occuper des personnes âgées. C'était déclaré. Il y a eu 5 morts. C'était déclaré. Mais bon. Non, mais je crois, ma chérie, que si tu te bouges un peu, tu quand peux on veut, trouver. On trouve. Hein. Voilà. Oui. Non, quand on veut, on trouve pas. Il y a plein de gens qui nous écoutent, ils veulent, ils trouvent pas. C'est pas si facile que quand on veut, on trouve. Non, Julie, arrête. Ah, Julie, ça y est, c'est tout de suite l'image de Après, et c'était feignant. Terminé, oui. La France est remplie de feignants. Mais non, Julie, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui veulent, et ils trouvent pas. Et, oui. Et je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent aussi, qui sont une bonne bande de branleurs, et qui sont contents, et qui cherchent pas d'accord. Trop. Oui, il y en a, mais tu peux pas mettre tout le monde dans la même généralité. Ah, il y a j'ai pas dit que tout le monde. Je pense qu'il y a des gens, ils cherchent, et il y a des régions qui sont plus dures que d'autres. Il y a des régions où tu trouves du boulot plus facilement, et il y a des régions rurales. C'est sûr que maître nageur à Vesoul, bon, le mec qui surveille les plages, il y a très peu de taf. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Loueur de planche à voile à Vesoul, le mec il est là. T'as pas choisi le bon créneau. Il est seul, hein, il est tranquille. Jessica, on te fait un gros bisou. Et si jamais il y a des gens dans la restauration à Rouen qui veulent, écrivez-nous coet@energie.com. Oui, Jessica. Est-ce que je peux juste te demander un petit service de te passer mon père vite fait pour qu'il te fasse un bisou parce que depuis le temps. Mais bien sûr, depuis le temps. Mais arrête, va t'habiller, toi. Excuse-moi. Fais des photos après. Va t'habiller, mec, arrête. Va t'habiller. C'est glauque là. Non, mais ça devient glauque. Va t'habiller. Arrête, va t'habiller. On dirait un pervers. Mais non, on dirait un pervers. Excusez-moi, le public. Va t'habiller. Arrête de prendre des photos, mademoiselle. Va t'habiller tout de suite. Tu restes pas comme ça. Va t'habiller. Où t'as vu, toi, quand on se baladait le cul à l'air dans un studio? T'as vu jouer ça où? Vous êtes un peu conscient. Arrêtez de l'engrainer aussi, là, derrière. C'est la première émission de France. Toi, à chaque fois que tu fais des trucs, Loris, c'est des conneries. Et lui, l'autre, il arrive, j'en ai fait. Moi, je commence à en avoir marre. Qui c'est qui t'engraine, là? Moi, je commence à en avoir marre de rattraper les conneries de monsieur Loris. Parce que tes conneries du mois de juin, elles m'ont bien fait chier. Donc, tes conneries de Loris, après, c'est pas moi, c'est Coé qui prend. Je commence à en avoir ras-le-bol de manger des lettres de la direction d'énergie à cause de tes conneries. Donc, non, tais-toi. L'autre, il se balade à poil parce que t'es arrivé derrière en lui disant c'est bien, vas-y, c'est marrant. Ouais, tiens, si vas-y, attends, je connais pas, la dernière fois qu'il a osé faire un truc, c'est demander si je peux mettre du sucre ou pas du sucre parce que ça se passe pas. Et comme si c'était du genre à se balader à poil en prenant l'autorité de le faire tout seul, bien sûr. C'est qui alors, c'est Stouff, ça va, j'en ai ras le cul de rattraper les conneries de Loris. Bon, Jessica, t'as trop eu du travail. Mais qu'est-ce que tu fous? Il y a Julie, elle dit quand on veut, on trouve. Enfin, mais on va t'aider. Il y a quelqu'un qui nous dit: je suis employé à domicile par SMS. Si cela vous intéresse pour la jeune fille qui cherche des informations dans ce domaine, ben voilà. Ah, très bien. Voilà. Je suis auxiliaire de vie, vous pouvez m'appeler. Ben voilà. Merci. Je suis agent de sécurité, cordiste, scaphandrier, sondeur formation courte et boulot à gogo. Olivier du 62. Eh ben, c'est pointu bien. Là. C'est pointu. Ouais. C'est pointu ça. Bon, papa? Oui. Ah non, non. T'es pas. Non. Elle fait son père. Comment en même ça temps. Va, papa? Ça va et toi? C'est quoi le prénom? Bruno. Eh ben, salut Bruno, je te fais un gros bisou, je t'embrasse au il passage. Il avait envie de te parler. Moi aussi, moi aussi. Ouais. Tu voulais depuis me dire, des Bruno années, je t'écoute. Ah bah, c'est gentil. Ah non, bah, simplement de dire que j'étais fan de toi depuis un bon nombre d'années. Ah bah, c'est gentil. Et que. Ça déboîte. Je te suis. Eh ben, ça me fait plaisir, Bruno. Je t'embrasse fort, je te fais un gros bisou, d'accord? Moi aussi, je t'embrasse tout de suite. 19h, 22h, sur Énergie. Laisse tomber. Je crois que j'ai une réalisatrice qui... Allez, vas-y, puis mets-le en dessous de moi. Allez, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, fais tomber du coca sur la console, on en parle plus. Fais la totale. Et l'autre, balade-toi à poil, je m'en fous. Ouais, mais baisse le morceau, vas-y. Et coupe-moi les micros. Avec ça, on est prêts. C'est la fête, là. Allez, baisse le 10. Non, mais vas-y, baisse-le. Mais le baisse pas, c'est une vanne que je fais. Voilà. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Gone. Every now and then I think you might want should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Saison sur Énergie, c'est dingue. Dingue. On aura vu Julie passer de jeune milf à vieille cougar. Dingue, hein. Dingue. Coé, 19h-22h sur Énergie. Toute l'équipe est là, ce soir c'est une émission, excusez-nous. Hein. C'est lunaire. Il y a des émissions, je voudrais... Il y en a des émissions cadrées et d'autres non. Alors, notre, oui, notre réalisatrice est l'exemple parfait de ce qu'on dit depuis tout à l'heure dans l'émission, c'est-à-dire qu'elle a fait la formation mais elle n'a pas eu le diplôme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a été prise de panique. Elle ne savait plus si elle devait couper mon micro, baisser le disque, l'enlever. Elle a failli quitter en faisant... Elle est partie en courant dans la rue. Elle était perdue. T'as fait le studec? Oui. Ah d'accord. Bah refais-le. Je sais pas si c'est une bonne pub pour le studio École de France que tu viens de faire. Il y a longtemps. T'as fait le studec là, il y a le mec, le patron de l'école, il fait deux diplômes. Non, je la connais pas. Il va envoyer un message, je vais dire le dis plus que t'as fait l'école. Bon, allez me liker la photo de Laurie, s'il vous plaît. Ah oui, au fait, on est à 9000 likes. Ah bon. Ah encore 1000 et je l'envoie dans la rue. Ça va quoi? Ça va être torché. Comment tu parles? Comment tu es doux là? On fait une émission classe, langage des républicains du tout ça. Boulogne-Billancourt là, ça va se torcher. Oh. Bah les gars, arrêtez, on dit tout le temps ça. Ça va pas avec je voudrais de la patate douce, ça va se torcher. J'ai pas eu ma patate douce, je suis pas en forme de ça. Bah non, ça se dit pas, ça va être torché. Bah, ça va se torcher vite. Non, ça sera fait vite. Ça sera fait vite. Laisse, ça va se régler. Laisse ça aux beaufs comme nous. Voilà. Ça c'est pour nous ça. Ça va être torché en 5-2 ça. Mais dès que je sors des beaux mots, vous m'engueulez. Non, quand on mange de la patate douce, on n'a pas le droit de dire des phrases comme ça. Que tu viens de dire, c'est pour des mecs qui bouffent de la patate. D'accord ? Ok, ça marche. Bon, on fait un bisou à Audrey qui habite à Putelange. Ah oui, j'ai oublié. Alors, je pense qu'avant, on a écouté Charlie Pute. Décidément, tout va avec. C'est thématique. Audrey, 23 ans, ça va ? Audrey ! On l'a perdu du coup. Oui ? Ça va, ma chérie ? Alors, Putelange au lac, c'est où exactement ? C'est en Lorraine. D'accord, c'est joli au moins ou pas ? Parce que ça peut avoir un nom moche et être joli. Hein. C'est magnifique, la Lorraine, c'est la plus belle région de la France. Alors, la plus belle, je sais pas, mais c'est très joli. J'y suis allé plein de fois pour faire mon one man et tout en Lorraine. C'est vrai que c'est très joli et les gens sont adorables. Et à chaque fois, j'ai vécu un moment de folie là-bas. Je connais pas. Ah, c'est trop cool, non, la Lorraine. La Lorraine, moi, à chaque fois, j'ai eu un accueil incroyable par les Lorrains. Ils sont top. Voici le super jeu. Tu vas piéger maman qui s'appelle comment? Elle s'appelle Mina. Mina, d'accord. Tu nous as envoyé un mail. Tu me dis, je voulais faire croire à mon parent que je suis enceinte du troisième. C'est toi, ça? C'est ça. T'en as déjà deux? Ouais. Oui. T'as quel âge? D'accord. J'ai 23 ans. Est-ce que t'as vu que le mail. Est-ce que t'as lu le mail? Qu'elle a envoyé là-haut. Oh merde, ma chérie. Ouais. Hey. Dis-moi, Audrey. Oui. Au niveau orthographe, t'as eu la formation mais pas le diplôme. J'ai eu la formation. Parce que je vois des fautes, ma chérie, dans des. Hey, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais c'est une brève. Non, mais t'as en orthographe, c'est pas la peine. Je voudrais, faire péter les plombs. Péter, deux T. Les plombs, P-L-O-N. Allez. À mes parents, en leur faisant F-E-S-A-N-S. Ouais. F-E-S-A-N-S. Tu dis pas que quand t'écris faisant F-E-S-A-N-S, t'as jamais vu ça écrit dans aucun livre. Je peux pas mettre tout ça sur la faute de mon grand-père. Non, attends, je suis enceinte du troisième. Il y a pire qui arrive. Et je sais devoir lui laisser L-E-2-S-E-R. Mes deux enfants, car je dois partir avec un E en cure pour arrêter A-R-E-2-T-E-R. Bam. Mais tu mets tout. Non, mais pourquoi tu fous la merde? Attends, de consommer. Écoute-moi bien, de consommer de la drogue et de l'alcool. Alcool, pas de faute. Ah là, c'est normal. je dis rien. Et pourtant, c'est un mot compliqué. Ce soir, je veux juste m'éclater une dernière fois qu'elles viennent prendre les petits parce que là, il n'y a pas de faute dans tout ce que je dis. Hein. Je peux pas les laisser. Cette faute est récurrente, L-E-2-S-E-R. Comment t'écris laisser? Le verbe laisser. Ben, comme tu viens de le dire. Non, c'est A-I. Les vieux sages, les anciens l'ont écrit avec AI. C'est un verbe du premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe? Premier, Julie. Non, mais je lui posais la question. Non, ça c'est trop compliqué. Premier, il a dit Koé. C'est AI. Voilà. Comme, alors, comme ça, bon, ça et ça, parce que je pense que définitivement, de toute vous façon. Vous avez pas retenu. Les mecs du dictionnaire. On a fait une chanson, mais. Mais Georges, c'est la seule qui m'envoie des mails avec des fautes d'orthographe. Audrey, du jour, autant. Autant, oui. Mais sinon, Audrey, t'es pas la seule. Mais je pense que les mecs qui font le dictionnaire, les gars, dans 50 ans, voire même dans 10, ils vont dire bon, les gars, le CCDI, il sert à quelque chose ou pas? Ouais. Et là, les gens vont dire non, mais TDS. Mais ils se le posent déjà. Hein. Mais ils se le posent déjà. Et le CCDI, il va partir au rang. Avec le Minitel, ils vont foutre ça dans un placard, ça servira plus. J'ai fait ma propre réforme. C'est bon, quand même. Oui, tu fais ta réforme de ton orthographe, c'est bien. Et enfin, tu termines à la fin, tu dis je voudrais dire à ma mère que je vais lui prendre 200 euros parce que je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Bout, B-O-U-E. Voilà. Oui, c'est roulé dans les deux bouts. Voilà. Alors, attention, voici les 5 phrases à dire à ta mère. J'ai rencontré un mec, je l'héberge chez moi parce qu'il a pas de boulot. On attend un bébé, c'est pour ça que je t'en parle. Dès qu'il sort de sa cure de désintox, je te le présente. Sinon, tu peux nous filer 300 euros, s'il te plaît, parce que c'est chaud en ce moment. Ce week-end, on va sortir en boîte, faudra que tu viennes prendre les gosses. T'es prête maintenant ou après? Oui, on appelle tout de suite. Allez, on y va, on appelle maman, d'accord? À la fin, je serai Je serai même. Je voulais dire, Chloé, que je t'aime de tout mon cœur. C'est gentil, ma chérie. C'est gentil. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. T'as fait une faute d'orthographe dans le numéro. Il a pas tort, Guéguet, je crois que... Laurie, si tu prends un ordinateur, enlève le câble, débranche-le, mec. Il sait que c'est un ordinateur mais portable. Qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir? Mec, il a oublié qu'il était branché son ordi. Allô? Allô, maman, allô, ça va? Allô? Ouais, ça va. Pourquoi tu m'appelles en inconnu? Ah, j'ai pas fait attention, je sais pas. Ouais, allô? Ouais, ça va? Ouais, je sais pas. Ouais, ça va. Et toi? Ça va. Et les petits? Ça va, ça va. J'ai un match, je voulais te parler, puisque, enfin, je voulais déjà parler hier, mais bon, c'était assez compliqué pour moi hier. Je voulais te dire que j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Il s'appelle Sébastien. Ouais. Il est super cool, il est trop beau, il est magnifique. J'adore. Et puis, je pense que tu le verras d'ici peu, quand il sortira de sa cure de désintox, je pense. Parce que pour l'instant, en fait, je l'héberge chez moi. Attends, je n'ai rien compris, là. Je pense que j'ai mal compris. J'ai dit que tu le verras bientôt. Quand il sortira de sa cure de désintox, tu le verras, parce que je vais le prendre chez moi, en fait. Parce qu'il n'a pas de boulot, en fait, tu vois, le pauvre. Donc, je pense que je vais le garder à la maison. Des intox de quoi? Des alcooliques ou quoi? Hein? Non, mais il a des petits soucis. Enfin, voilà, quoi, la vie, elle est pas toute rose pour tout le monde, maman. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais rien. T'es pas contente que je me suis trouvée quelqu'un? Je veux dire, c'est bon, quoi. C'est 2 ans que je suis célibataire. Enfin, je refais ma vie. Enfin. Okay. Mais il est cool, hein. Je sais pas, Audrey. Non, je sais pas. Désintox. Ben, je l'ai rencontré, il est super cool. Enfin, c'est juste que voilà, quoi, il a pas de boulot, donc je l'héberge chez moi un petit bout de temps. Et puis je t'en parle parce qu'on attend, bébé, voilà. C'est la grande nouvelle. T'es content, Audrey? Comment tu fais pour héberger quelqu'un que tu ne connais pas bien? Mais on attend un bébé, je te dis. Enfin, je suis obligée maintenant. Je veux dire, je vais construire ma vie avec lui. C'est pour ça que je t'en parle, en fait. Je suis enceinte du petit troisième, maman. T'es pas content? Hein? Je suis enceinte du troisième. Oh, moi, je parle, hein. Décolle, Audrey, arrête. Oh, arrête. Mais c'est comme une fois que je refais ma vie, je vais avoir un bébé, et puis toi, tu me dis ça comme ça, t'es pas contente. Arthur, chaise. Mais t'es bourré ou quoi? Mais t'as... Je sais pas, moi, réagis, hein. Oh, Audrey, tu sais quoi, j'arrive, hein, je vais venir, on va parler calmement. Non, non, tu viens pas, hein, non, tu viens pas, je suis avec lui, tu viens pas, j'ai pas envie, tu vois, maintenant, vous restez tranquille ce soir, et parce que lui, il part pour sa cure demain, je veux dire, enfin, voilà, quoi, enfin, vous restez tranquille, tu viens pas, hein, de toute façon, je t'ouvre pas la porte, hein. Comment je viens pas? Tu m'ouvres pas la porte, moi, je te la défonce, la porte. Mais en fait, en fait, on voulait partir, parce que, tu sais, il peut partir le week-end des cures. Et on voulait sortir, il y a moins que tu me prends les petits, parce qu'ils me font chier, mais... J'en ai marre. D'ailleurs, je vais prendre, là. Et ne parle pas comme ça, hein, de tes enfants, hein. Non, André, mais hein. Ils me saoulent, en fait. Je peux même pas. Enfin, ils te saoulent, tu te saoules toi-même. Ben, ouais. Arrête tes conneries, là. Parce que moi, je viens les chercher, mais je vais les garder, hein. Parce que je les sens pas en sécurité comme ça, hein. Bah, ils sont pas en sécurité, n'importe quoi. Mais quand tu viendras, tu pourras me dépanner 300 euros, parce que c'est un peu chaud, hein. C'est ça, quoi encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Avec les enfants, avec Sébastien, je dirais, j'arrive pas trop dans les deux. Arrête de faire des projets comme ça. Ça va, c'est une grosse radin, ta mère, hein. Pardon, c'est une grosse radine. Non, mais comme ça, c'est Audrey, j'arrive. Hein. C'est une grosse radine, c'est tout. Elle donne pas l'argent. Non, mais comme toi, c'est quoi cette merde-là? C'est toi, là, qui la merde comme ça. C'est pas moi, hein. C'est pas bien. Mais c'est quoi, ça? Et encore, il parle même pas correctement le français, là. Il a quoi, des tensions, là, ou quoi? C'est moi qui ai de tension. Tu viens chercher les gosses et toi tu fais ce que tu veux, tu assumes. Ouais, bah d'accord. Voilà, on est heureux, on est très amoureux, nous, hein. Oui, bah, c'est cela, oui, c'est cela. C'est bien chez ma fille, c'est le confort. Bah voilà. N'est-ce pas? On va avoir un troisième bébé. Je vais te désintoxiquer, toi, tu vas voir comment. Ah bon, comment? Tu verras bien. Mais alors, j'aime pas les surprises. Je veux savoir avant. Ah, mais moi, j'aime bien faire des surprises. Mais moi, j'aime pas ça. Je veux connaître avant. Oh là, mais qu'est-ce que tu vas me chercher, Audrey? Mais m'insulte pas, hein. Attention. Moi, je me permets de t'insulter, hein. Mais moi maintenant, aussi, t'arrêtes hein. De m'insulter, maman. Est-ce que nous, on dit que t'es une connasse? Mais comment il me parle? Et toi, là, subitement, tu changes comme ça d'attitude, eh oui. Audrey. J'ai du mal à te reconnaître, hein. Toi, tu deviens conne, toi, hein. Plus tu deviens conne. Il y a des insultes. Je suis amoureuse, c'est tout. Hein. C'est l'homme de ma amoureuse. Vie. On peut être amoureuse. On peut l'être, mais quand même. Réfléchis un peu. Elle a réfléchi elle-même comme jamais. On va avoir un troisième enfant. On va être trop heureux. Pauvre enfant. Non mais je te dis, c'est qu'une putain parce que c'est vraiment dégueulasse. Je te dis que je suis amoureuse, que je refais ma vie, que j'ai mon petit là, mon petit bout de chou qui va arriver dans 9 mois et toi tu me dis tout ça là, mais c'est dégueulasse, hein. Voilà, pas gentil. C'est l'homme de ma vie, On s'aime très fort. Audrey, mais quand même, c'est pas connard, arrête tes conneries. Franchement, je suis pas conne, mais je me demande comment je fais pour être conne. Moi, j'arrive là-bas, je vais vous casser tous les deux la gueule, là, je vais prendre les petits. Pas tes violences, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas très bon en orthographe qu'il faut se moquer de nous, hein, et voilà, ça n'a rien à voir. Oh, ben je vais. Uchimamoto, pokolo ronato, idiot. Ya, t'as ces 5 gros problèmes, ya. Il y a Rolf und Gisela, Cindy, des gardiens. On va aller voir Audrey. Ah, Berthe, vous y êtes. Non, tu dis pas à lui. Non, tu dis pas à moi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu l'as... En fait, attends. Il l'aimera bien, ils ont la même coupe. Je vais parler à maman. Allô? Maman, mais. Tu rêves, toi, das, hein. Das téléphone klingelt. Arrête de rêver, hein. Je veux bien être la maman d'un gendre, mais pas comme toi. Mais hein. Pourquoi? Je protège ma fille, je l'aime, mais mes petits-enfants. Mais tu ne m'as pas vu. Elle est aveugle, mais j'ai pas besoin de te voir, hein, que tu sois beau, vas-y, je moche, suis très beau. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je suis très beau avec hein, un très beau bacari. C'est la beauté intérieure et l'honnêteté qui compte. J'ai un très beau bacari. Trou du cul, va. Ah bon? Mais pourquoi? Oui. Pourquoi un trou du cul? Parce que t'as un trou du cul. Et encore, il est beau, quel langage. Quel trou du cul? Oh, Audrey, tu me mets dans tous mes états, hein. Ah, mais ça ne s'entend pas, hein. Madame, je mais c'est la fin du monde. Non, je reste à la maison. Moi, tu la fermes, Audrey, parce que j'ai encore mon mot à dire. Madame, c'était de l'allemand, t'as l'air. Oui, je crois qu'il y a tout, là. Ou alors elle est possédée, elle parle toutes les langues. Après, tu me dis que t'as pas de chance dans la vie. Mais bien sûr que t'as de la chance, mais t'es quelqu'un. Allô, madame Conjuring. Elle est en boucle. Conjuring, je peux vous parler, la poupée Annabelle? Allô? Mais c'est quoi ça? Moi je m'appelle. Oui. J'arrive, hein. Même pas. En pyjama, j'en ai rien. Ah bah non, bah, venez pas en pyjama, non, c'est moche. Moi je m'appelle Koé. Moi je te démonte la porte, Audrey, si tu ouvres pas ta mère. Mais pourquoi vous voulez démonter la porte? Pourquoi vous voulez démonter la porte? 2 kilos tout mouillé, qu'est-ce que tu veux démonter? C'est ta tête que tu vas démonter. Elle va taper violemment, elle va dire « Ouvrez-moi !» Comment elle parle à sa mère, oh là là, franchement. C'est... Hein. Madame, Mina. Alors là, Audrey, tu m'as jamais parlé comme ça. Ça va bien. Jamais. Hein. Attends, elle est d'où, la maman? Je sais pas. D'où vous, madame? D'où vous nous appelez? Ta gueule, je raccroche et je viens de t'arranger la gueule. Oh là. Tu vas voir. Pourquoi vous voulez m'arranger la gueule, madame? Violente. Allez, ah ma mère. Elle va m'arranger la gueule. Mais c'est où, pute l'ange? C'est en Lorraine. Mais c'est en Lorraine. Elle l'a dit fois tout à l'heure. T'écoutes l'émission de temps en temps? Oui, un peu. C'est juste pour savoir. Ça m'arrive. Artouchaille. Si quelqu'un comprend ce qu'a dit cette dame, dites-le nous. C'est le patois Laurent. D'accord. On va juste essayer de rappeler maman pour lui dire que c'est une blague. Avant qu'elle vienne casser la porte. Oui. Moi, je savais que dans la vie. Je mange des portes. Elle est énervée au ralenti. Qu'est-ce qu'elle gagne déjà, la petite Audrey? Qu'est-ce qu'elle gagne? Une tablette. Moi, là, je suis prête. Je mets juste mes chaussures. Mais non, ne prenez pas les chaussures, madame. Elle est vénère au ralenti. Allô, madame. Vous êtes... C'est vrai que vous êtes énervée à deux à l'heure. Ouais. Ouais. On dirait une vieille voiture dans mais une. Mais je veux protéger ma fille et c'est tout. Hein. Mais j'ai bien compris. Mais arrêtez parce que c'est une blague. Non. Artouchaille. Mais si on est sur énergie, je m'appelle. Blague, maman. Je m'appelle Koé, c'est pour. Artouchaille. Ça veut dire quoi, madame? Artouchaille, c'est merde. Ouais. Ça veut dire oh, la merde. Ah oui. Artouchaille, c'est la merde. T'es trop marrant, là. Je vous fais un gros bisou, madame. Dieu, vous merci, vous alliez, vrai, vous, non, c'est pas vrai. Vous alliez casser la porte. Vous alliez casser la porte, espèce de trou du cul. Vous alliez casser la porte. Vous m'avez traité de trou du cul, madame. C'est pas bien. Ben, je m'excuse. Hein. Bon, on va mettre ça sur le compte de l'énervement. Voilà, plutôt. Ouais. Je vous fais un gros bisou. D'accord, à bientôt. Moi aussi, je vous embrasse bien fort. Et une tablette pour la jeune fille. Allô. À bientôt. Voilà, c'est bon, ça inscrit. Allô. Allô. Bon, c'est bon, à bientôt, Charles. À bientôt, bougez pas, on revient. Les meilleurs hits arrivent plus vite sur Énergie qu'ailleurs. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Maman, viens voir. Quoi? Si je te dis je veux du volume 6, la cils zéro défaut, mais j'ai pas de temps à perdre pour me maquiller et je veux aller vite. Oui, bah quoi? Maman, mascara volume flash de Rimmel. Regarde, avec 40% de réduction en ce moment chez Leclerc. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le mascara volume flash de Rimmel avec 40% de réduction immédiate est à 4,17€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Bon, je t'en prends un, je m'en prends un, mais le mien reste le mien, on est bien d'accord? Promis, Mamoun. Et si on parlait Renault Service? Ah, Natacha, c'est pas de chance ce pneu crevé. Hein. En pleine campagne en plus. Oh. Heureusement, il y a une jolie petite auberge là-bas.

fait comme jamais, jamais. C'est Karine maintenant? Oui, c'est Karine. Ça va, Karine? Tout à l'heure, est-ce qu'on fera le jeu pour il match ou pas? Oui, normalement, oui. Ah bah, on va le faire. Oui, et puis, on va attendre que la mi-temps passe. Pourquoi? Bah parce qu'elle est dans 2 minutes. Ah ouais, non. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que pourrir un match pendant la mi-temps, c'est con. Oui. Ouais, ça sert pas à grand chose pourrir la mi-temps. Il se met devant et il fait hey, t'entends, mais il est con, quoi, c'est la pub. Ah oui, d'accord. Du coup, on le fera après. On va attendre un peu. Ouais. Ça va, Karine? 40 ans à Avignon. Ça va. Ça va. Ça va. T'as un mail, Karine. Normalement, de ouais, je sais, je le cherche, mais je ne le trouve pas. Si, j'ai un mail. Bonjour l'équipe, je me présente. Je m'appelle Karine, j'ai 40 ans. Et depuis que j'ai divorcé, j'ai rencontré un petit jeune de 24. Oh, oh la cougar. T'es une grosse coquine. Avec qui je m'éclate au lit. Coquine, va. Oh la coquine. Sauf que depuis quelques temps, il veut absolument que l'on se filme lors d'un rapport. Ah oui, c'est ça de faire l'amour avec les jeunes, t'as les nouvelles technologies. Ah oui, c'est ça, 2.0. Eh ouais, c'est ça. Faut se mettre à la page, hein, Karine. Parce qu'il veut te mettre des fils snap pour être plus bonne. On te rajeunira un peu. Oh, c'est dégueulasse ce que vous dites là. C'est très moche ce que vous dites. Et je n'arrive pas à lui donner une réponse car ça n'est pas ma génération, les sextapes. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dis donc. Bah ouais, enfin c'est vrai que moi-même ayant ton âge. Moi-même ayant ton âge, c'est t'en un peu fais, de la toi hein? T'en fais? Ouais, oh, Julie, enfin excuse-moi. Hey, j'allais poser la question. Les amis, je vais percer un tabou. Nous les mecs, du premier jour où on reçoit un téléphone portable qui fait appareil photo. Le premier truc, une fois qu'on a pris le chien et notre petite copine, c'est de prendre en photo notre bite. Les mecs, c'est comme ça. Dès que t'as 2 secondes, tu veux, tiens, je veux, oh, je t'en prends en photo. Oui, mais des sextapes. Mais tout le monde l'a fait, les sextapes. Ça veut dire qu'il y a des sextapes qui tournent de toi? Bah oui, de moi. Enfin, qui peuvent tourner? Bah évidemment. Ah ouais, bah, t'as pas peur de ça? Parce que tu les envoies. Bah, les amis, vous allez regarder sur. Le regarder sur YouPorn. Ouais. C'est cool. Vous regardez sur YouPorn, vous regardez à Monster ou Big Cop. Et vous verrez, il y a un mec à un moment donné, c'est black, mais c'est moi. Ouais, j'ai cru que c'était un silure, moi, en fait. Non, c'est moi. Parce que la lumière était pas très bonne. C'est ça. Non, mais pour le coup, c'est une bonne question. T'as pas déjà eu des nanas qui voulaient qu'elles se filment avec toi? Parce que quand je l'ai fait, ça ne partage pas. Ça me fait marrer sur le moment et puis je les enlève. Je les enlève, c'est rigolo de leur regarder. Mais elles les ont pas, non. Du coup. Ah non, et puis surtout, c'est très con parce qu'il y a un moment donné, tu trouves ça marrant sur l'instant, puis quand tu revois, tu dis, oh, je trouve ça glauque, excusez-moi. Non, ce qui est plus sympa. Je trouve ça glauque, moi. Ce qui est sympa quand tu fais une sextape avec ta partenaire, on va être très honnête, c'est plus ta partenaire qui est jolie dans le truc. Toi-même, quand t'es un mec, t'es pas très beau. Pour le peu que tu te filmes un peu et qu'on voit tes fesses ou qu'on te voit de dos. Se regarder pour une nana, c'est l'acte top, hein. De le faire qui est peut-être excitant, mais pas de regarder après. Exactement. Quand tu revois, tu fais ah, oh, c'est pas ce que je pensais. Ouais. Bah oui. Oui, j'avoue. Mais même elle, toi, tu filmes mal, t'as pas la lumière. Oui, c'est... Pietre, si tu veux une équipe de cadreurs, va tourner énergie douce, ça s'extrait. C'est une idée. Allez, par contre, pas. C'est pas contre ce qu'il a dit de filmer avec des filtres Snap. Ça doit être pas mal. Oui, mais tu vas pas filmer longtemps, surtout. Faut que ce soit un cookie. Mika, c'est pour toi. Mika, fais ta sextape sur Snap. Prochain stop. Avec nous dans un instant. On revient, Karine, on en parle après Jonas Blue sur Énergie. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold. You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't. vacances sont terminées, mais je suis tellement content de reprendre le taf et de vous retrouver. Hashtag Jingle Mytho. Koé, 19h-22h sur Énergie. Hashtag chanson ringarde. On est sur Énergie. Kinvé sera là dans quelques jours. Dans un instant, on ira pourrir le match de quelqu'un. Mais pour l'instant, flash spécial. Guéguette, bonsoir. Bonsoir. Nous étions sur Insta ou Instagram. Instagram de Julie. Sur Instagram. Et puis, alors que sur Instagram. J'ai un accent en fait, c'est pour ça. Ouais, bien sûr. L'accent d'où ? Instagram, du sud. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Instagram. J'ai l'accent d'Antibes, c'est ça. C'est ça, ouais. Alors, sur l'Insta, on devait être à 10 000, on devait envoyer Loris faire un tour à 10 000 likes sur la photo en chasseur de Pokémon. À combien sommes-nous, Guéguette ? Affirmatif, nous avons 10 000 likes ! Pardon. Il y a eu un problème encore une fois. Faut le mettre fort. Ah, pour le coup, celui-là, ouais. En plus, j'étais content de mon cri. Hein ? Il est au max. Non. Ouais. Je peux pousser un peu ? Vas-y. Petit plus. Là, il est au max. Attends, je vais recrier. Tu vois ton potentiomètre ? Ouais. Quand il est levé. Ouais. Tu vois, il reste encore une petite marge en haut. Oui. Et ben, c'est là qu'il est au max. Quand il est au maximum. Et tu en as celui-là, pas, il faut le faire péter. Ouais, celui-là. S'il en reste encore un peu derrière, t'es pas au max. Ok. Tu comprends quand j'ai. Oui, j'ai compris. Ils t'ont pas expliqué ça au studio École de France ? T'as payé. Ah, bah non, cher pour rien. C'est la formation, t'as pas le droit d'aller dans rouge. Non, c'est la formation. Non, malheureusement. C'est la formation, ton aiguille ne doit pas aller au studio rouge. Bah non, bien sûr. Alors donc, Guéguette, t'as combien de temps ? C'est tout l'inverse. T'attends la fin du cri pour lancer le truc. Tu attends parce que sinon, on ne peut pas chanter dessus. D'accord. Donc, 10 000 likes ! Parce qu'elle danse en même temps. 10 000 likes. T'attends qu'ils applaudissent et tu l'envoies. Okay. Tu ne danses pas. Contente-toi de regarder. Elle lève le bras en même temps. Non, parce que pendant que tu lèves le bras, il n'est pas sur la console. Contente-toi de regarder. Tu lèveras le bras quand tu seras en mode les aiguilles pas dans le rouge, mes niveaux sont nickel. Wouh, je lève les mains. C'est comme au volant. Hey, je lève les mains. Mais au permis, quand tu passes le permis, tu fais pas ça. T'as jamais vu devant l'examinateur un côté genre. Jamais. Alors donc, Guéguette va la refaire pour la troisième fois. Plus de voix, c'est long. Hein. Donc, Guéguette. 10 000 likes. Parce que je sais plus quoi dire en fait. Je me suis fait avoir. Bon, bref, Loris va donc aller dans la rue en chasseur de Pokémon. Oui. Mais pour l'instant, revenons sur Karine qui a fait des petites sextapes. Son mec veut qu'elle fasse une petite sextape. Julie, t'en as jamais fait ? Non, j'ai rien fait encore. Hein. On les a vues. Ouais. Non, vous avez pas vu. Je crois pas, je suis sûr que c'est une légende. La fameuse, on l'a vue. Un appel et on peut la revoir. Vous êtes bêtes. On sait qui appelait. Ah, oui. Vous m'avez vraiment vu faire des trucs. On a un archiviste. Il archive tout. Oui. Mais vraiment, il archive tout, cassé par date et tout. Tous les détails. Ce sera dans un best-of un jour. Non, arrête. Bah, Julie, quand t'es filmé, t'es filmé. Ouais. Non, je l'ai jamais vu, moi, par contre. Ah, c'est con, parce qu'elle était pas mal. Ah, ouais. Mais c'est gênant que vous l'ayez vu, surtout. Non, c'est gênant, c'est gênant. Bah, c'est gênant, on m'avait vu nu en train de faire des choses sexuelles. Ouais, c'est sympa. Non, c'était bien, c'était sympa. Un peu sur le côté, là, je pense. Arrête, ça va, quoi. Tu vois, il se souvient des détails. C'est gênant. Oh, sujet dans c'est la vie, Julie. Guéguette, déjà fait ? Non, mais déjà vu celle de Julie, ouais. Ah, arrêtez ! Genre, tout le monde l'a vu, il a montré ça aussi, à tout le monde. Tu l'as vu, celle du public, tu l'as vu avec ton short, je l'ai vu. Bon, et toi, Karine, pourquoi tu veux pas ? Bah, je trouve ça, enfin, je sais pas, moi, je suis pas trop le truc des jeunes, là. Bon, c'est pas une histoire de génération. C'est un peu dégradant, en fait, de me filmer. Qui j'ai pas envie qu'ils montrent ça à tout le monde, justement, que ça tombe dans les mains des potes. Alors, attendez, excusez-moi. Après, il y a une question de confiance. Tu te dis, la personne en face, si elle le montre aux autres, bah, c'est un sale con, et puis c'est tout. Évidemment qu'elle va le montrer. Ça sert à quoi une sexape, c'est pas pour la montrer à tes potes. Alors, moi, il m'est arrivé d'avoir. Tes parents et tout, pour qu'ils soient fiers. De ma vie, jamais j'ai montré quoi que ce soit, ni d'une copie de la personne, de jamais. C'est vrai ? Jamais. Ça ne se fait pas. Enfin, celle des autres. Ouais, et puis, je veux pas. Tu nous as montré celle des potes, des autres que tu avais reçues. Oui. Oui, oui. Mais avec mon zizi à moi dessus, jamais. Ah, non, c'est vrai. Non, on verra. Bah non, ça se fait pas. C'est pas bien pour la personne. Ah non, manque de respect. Puis même quand tu es plus avec et tout, non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Bon, Karine, mais oui, mais il va. Et à un moment donné, 24 balais, c'est fait partie de la. Tu lui envoies jamais de photo coquine ? Non, j'aime pas non plus. Je me sens pas à le faire. Parce que la photo, c'est mieux parce que tu la maîtrises. Elle te plaît pas, tu la refais. Ouais. Tu peux travailler le truc, tu mets pas la tête. Tu mets pas la tête. Des seins, des culs, des culs. Oui, c'est vrai que tu mets pas la tête, au moins pas tranquille. Que la vidéo, tu maîtrises que dalle en fait. Et du coup, 9 fois sur 10, quand tu regardes, c'est moche. Ouais, mais souvent sur les photos, vous voulez la tête, les gars. Moi, je sais pas, j'ai jamais demandé. Je sais pas pourquoi c'est pas le plus intéressant. Non, mais c'est pas moi qui ai demandé ça. Moi, à chaque fois, on me demande la tête. Parce que t'envoies des fakes de chez Google. Ah voilà. Tu tapes Google bonasse. Qui t'a demandé pour que tu dises à chaque fois on m'a demandé la tête depuis des années. Avant, quand on me demandait des photos, on me demande de mettre la tête. En tout cas, elle envoyait des photos. T'as parlé au présent là, on me demande de mettre la tête. Ah merde. Non mais c'est vrai. Au présent, à chaque fois, on me demande. Non, faut dire on me demandait. Non, on me demande. Encore hier. Regarde pas plus tard. Pas plus tard qu'il y a une heure, on me demande. Mais non, mais à chaque fois, j'ai été avec des mecs et que j'envoyais des photos. Nul, on me demandait de mettre la tête. Pourquoi tu fais le. Tu fais un geste des mains bizarre. Ah ouais, bah non, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, la tête. Bah non, franchement, tu t'en fous. Ce que t'as envie de voir, c'est le corps de ta copine, c'est pas la tête. Les boobs, vas-y, bah, alors... ses boobs. Et alors, ouais, un truc, je pense pas. Bah, pas à tout le monde, visiblement. Comment ça? J'ai jamais reçu, moi. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je vais y remédier de ce pas, chef. Mais non, il y a un truc qui me dégoûte, c'est les gros plans, ça, par contre. Ça dépend de quoi. Gros plans de chouchou. Un gros plan de chouchou, mais c'est immonde. C'est comme un gros plan de zizi, que si t'es vraiment la caméra dessus, c'est très moche. Excuse-moi, tu colles ton objectif sur le bout du zizi, c'est scellé quand même. Ouais, mais au moins c'est droit, c'est rectiligne quoi. C'est pas droit pour tout le monde, rectiligne pour tout le monde. Tu peux regarder, tu te dis ça marche dans quel sens. Et puis je suis désolé, t'en as des jolis aussi, des chouchous, puis t'en as des pas beaux. Ouais, en gros plan, c'est pas. Je suis désolé, t'as des jeunes filles qui ont des trucs jolis, puis t'as des mecs. Ouais, mais en gros plan, c'est pas très joli. Enfin, c'est comme les sexes de mecs, t'as des mecs qui ont des jolis sexes, t'as des mecs qui ont des sales trucs avec des touffes de poils énormes. Tout le monde a pas la même. Non, on en reçoit plein avec touffes sur Snapchat. Ah ouais, non, bah continuez à envoyer. Chez Julie, d'ailleurs. Alors, il y a des très jolies zizi, mais alors, c'est pas possible. Julie, c'est que c'est un festival. Elle prend son Snap, elle met, tu vois, il y a des trucs en rouge. Attends, je prends, mais ou en violet. Mais elle clique dessus, mais au hasard, et là, tu vois un zizi qui bouge, il y a marqué pour toi, Julie. Steph, elle aime bien aussi. Non, arrête, s'il te plaît, non. C'est Julie, c'est flippant qu'il y ait des gens qui se lèvent le matin, ils disent tiens, qu'est-ce que je vais faire? Envoyez Babi, t'as Julie. Ça, rien. Hop là, direct. Bim, la première. Très pas belle, celle-là. Je peux te visiter. Non, mais donne le nom de ce monsieur, donne le pseudo de ce monsieur. Il s'appelle. Non, ce monsieur, il a plus le droit d'envoyer de zizi, monsieur, quand on a un zizi comme ça. Il s'appelle Laurent. Laurent, excuse-moi. Quand t'as un zizi comme ça, ne l'envoie pas en photo, mec, planque-le. Je sais pas, tiens, il est pointu. Fait des haltères, il est pointu, on dirait. Pyramide. Il est assez large. Arrête, il y a des gens qui vivent dedans, c'est une maison des Schtroumpfs. T'envoies pas ça, Laurent, fais pas ça, c'est moche. Moi, j'aurais un zizi comme ça, je l'envoie pas. Encore un, Julie ? Attends, j'en reçois plein du coup là. Ah bah, oui, un festival. Le club des zizi pour Julie. Il y a toute la France qui est en train de se motiver là pour. Allez, photo, snap. Il y a une association zizi pour Julie qui s'est créée. It's a world. Non, mais ça cherche pas. It's a place for you and for me and a zizi pour Julie. And a day. Bon, Karine, je te fais un gros bisou. Fais un effort. T'as voulu un petit jeune ? Il faut assurer. Ouais. Il va te demander des photos de temps en temps. C'est l'amour 2.0, c'est si, comme ça. Ah voilà, avant la sextape, déjà tu peux lui envoyer des photos. Et un conseil, si tu veux que les photos à face classe, le miroir. Tu te prends en photo dans le miroir, ça te permet d'avoir un peu de recul et du coup la photo elle est plus jolie. C'est pas faux. On sent l'expérience. Si t'as un miroir amincissant, c'est mieux. Voilà, ou une. Là, la perche à selfie. Mais tu fais des perches avec ta perche à selfie, tu prends ton zizi. Non, ouais, parce qu'il faut la perche pour l'avoir en entier. Sinon, tu vois qu'une partie. Non, la perche à selfie, c'est sans zizi. Il la met au bout, son téléphone. Après, je souris sans les mains comme ça. Et il fait juste les doigts et fait. Hey, c'est comme ça qu'il arrive à se prendre en photo, Piat. Elle est bienvenue sur Energy. Qu'est-ce qu'on écoute? Tal. Bienvenue. Si ça te fait chier, dis-le aussi la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on écoute? Tal. T'as appris ça au studec? À mettre de la joie de vivre dans tes speaks? Qu'est-ce qu'on écoute? Tal. Tu peux l'envoyer là? Bah oui, tu peux, oui. Voici Tal sur Énergie. Allez, tu vas. World, take time to breathe. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Les yeux perdus à nos écrans noirs, les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel des nuages embrument nos espoirs, on ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend là dans ses filets. Prenons le temps qu'il faut.

Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Du lundi au vendredi à 19h05 sur Chéri 25, une famille dans le besoin. Clairement, on ne sait pas demain si on aura un toit sur la tête. Mais t'as dit jamais je ferais subir ça à mes enfants. Des centaines de personnes pour lui venir en aide. Vous avez du cœur, on est au Savoyard. Voici donc la maison. Ça part en lambeaux, mais de partout. Solidarité. Allez, chaîne humaine, les gars. Partage. Allez, c'est parti, les gars. Bienveillance. Bienvenue dans votre maison. Tous pour un, présenté par Marc-Emmanuel Dufour. Du lundi au vendredi à 19h05 sur Chéri 25. Gagnez toute la journée. Votre compil Énergie Back to School 2016. Tous les hits de la rentrée réunis sur 3 CD avec en exclu Charlie Puth et Selena Gomez. Soprano. 21 Pilots. LP. David Guetta. Jennifer Lopez. Amir. The Parakeet. Kenji Girac. Strombolas. Slimane. Jonas Blue. Alvaro Soler. La compil Énergie Back to School 2016. Déjà dans les bacs. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous ? Oula, oui, freinez encore ? Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment, chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir. Chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. J'aime bien, moi, Claudio Capéo, je trouve ça sympa. Numéro 1 des ventes tout l'été. Hein. Ouais. Soprano vendredi, l'événement de la semaine. Kinvé va venir. J'aimais bien, moi. Ah, moi aussi, j'aime bien. J'aimais bien, celle-là. Maître Gims arrive. Jamais. Et pour l'instant, alors qu'on est toujours à 0-0 dans le match France-Biélorussie. Ah, ça sent le match de merde. Ouais, ça sent, on dirait qu'il se passe rien. Vous nous avez mis un beau tété encore, ça fait hier, aujourd'hui, hashtag Coé saison 7. C'est cool ça de vous voir à chaque fois. J'aime ça les beaux tétés. Elle était facile. Avec le sujet d'avant, on a sourire les gens dans le public. Ouais, ça marche. C'est marrant. Valentin, 17 ans, va pourrir le match de ses parents qui sont en train de regarder dans le salon. Tout à fait. Alors, je veux savoir au fur et à mesure, bien sûr, ce que tu vas faire et ensuite entendre les réactions des parents. Tout à fait. Alors là, je suis actuellement dans une pièce à côté en train de préparer tout ce qui est musique, etc. Oh merde. Et donc, du coup, j'attends tes ordres. J'ai envie de dire d'abord, commence par éteindre la télé discrètement avec ton téléphone. Alors, éteindre la télé. Mais ça, alors, faut que tu te rapproches du salon, faut qu'on entende l'ambiance de foot. Hein. On va faire ça tout à fait, monsieur Coé, il n'y a pas de souci. Je vous en prie. T'appelles monsieur. Alors. Oui, c'est normal, c'est le respect. Hein. Oui, c'est vrai. Alors je suis en train de prendre la chanter. Payette, il va marquer. Il y a Payette. Ah si, équipe de France, c'est peut-être Payette, oui. Il joue. Qu'est-ce que tu fais là? Je savais pas. Je crois pas. Attention, il y a rendu. Je viens d'éteindre la télé. Avec un peu de chance, juste au moment où il a fait Giroud qui a tiré. Ouais. T'es trop loin. Faut que tu te rapproches. Ouais, t'es trop loin d'eux. On comprend t'es trop loin d'eux. Je suis en train de me rapprocher. Il y a un pénalty là, non? Non. Rien à voir. Ok. Attends, on va attendre que. Il dise plus rien à ta famille. La télé est éteinte là? Elle vient d'éteindre là, non? Elle est éteinte. Mais rapproche-toi, mec. Mais dis-nous ce que tu fais, Valentin. T'es trop loin, Valentin. Là, t'es en train de gueuler. Mais rapproche-toi. Je peux pas me rapprocher plus. On va se faire reculer. Ils vont te manger, c'est quoi? C'est des lions, ils ont pas. Rapproche-toi. T'as le droit de te mettre sur le bord comme si de rien n'était. Ah, il a éteint. Ah, il a rééteint. Qu'est-ce qu'il y a? Donne la télécommande, Erwan. Dépêche-toi, c'est ton ta mère. Vite. Ça y est, c'est pas carré d'arriver. Il est pas arrivé. Je suis en télécommande chez lui. Ça y est, tu vas marquer. Il va arriver chez lapin. Ils ont remis là. Et comment ça se fait? Ben, vous les verrez allumer là. La mère, elle a fond dans le foot. Attends, quoi. Oui, qu'est-ce qu'il a fait là? T'as fait quoi? Dis-nous ce que tu fais, Valentin, sinon on va pas comprendre. Je vais éteindre la télé. Ah, encore. Attends qu'il la rallume, et quand je te dirai go, tu rééteins. Attends qu'il la rallume. Ok, ça marche. Ah, on va attendre qu'il la rallume. Dis-leur qu'ils mettent le son plus fort, t'entends pas. Dis-leur qu'ils mettent plus fort. Mais t'es un peu plus fort le match, j'entends pas grand-chose, moi. Ouais, dis-lui à ta mère, dis-toi. Arrêtez de gueuler. Arrête pas de gueuler, on entend rien. Voilà. Oui. Là maintenant, tu éteins. Oh, mais merde. On va les faire là-haut, hein. Regarde, on va déconner là-haut, c'est toi. C'est toi, ne ris pas, ne ris pas. Ne ris pas. Tu dis qui c'est qui touche à la télécommande, voilà. Tu vois. Tu leur rends la télécommande, mais t'enlèves les piles. Mais Erwan, t'as assis toi à la télécommande, je sais pas, t'as fait quelque chose. Non, bah, il est pas foutu, c'est dans les mains. Attends qu'ils remettent, Dis, taisez-vous, remettez le foot maintenant. Attendez, on écoute. Voilà, laisse-leur regarder 5 secondes, je te dirai go. Allez, il se passe rien. Ah, on va les laisser jouer un peu. Ils ont des maillots dégueulasses. Chut, attention. Laisse-les jouer un peu, là, il y a l'obsidien, il ne passe pas grand-chose. Voilà, il récupère. Coupe maintenant. Ah, en fait, faut couper quand il y a des actions. Ouais, c'est ça. Juste avant. C'est vrai, il va y avoir un coup franc là. Il faut. Et il peut pas passer l'aspirateur. Allez, rallume. Dis-leur rallumer, putain, c'était bien. Allumez là, sérieux, on est sur une bonne action. Et la mère, elle a faim dans le foot quoi. Attends, c'est fabuleux. C'est fabuleux ce moment. On va attendre qu'il y ait une bonne action. Et un coup franc là. Plus fort le son, plus fort. Il va y avoir coup franc là, on va tirer. Dis-leur, il va y avoir coup franc là. Il y a un coup franc. Attends, on va couper juste sur le coup franc. Je te dirai pas avant. Attention, plus toi de la télé, je vois. Dis-leur de monter le son, dis-leur, il y a coup franc, monter le son. Montez le son, il y a coup franc, montez le son. Ah mais Payet qui arrive. Attention Payet. Ah là, il y a une pression quand tu vas couper, ils vont devenir rouges. Ne dis rien. Il y a mon frère qui est en train de chanter ta musique. Ouais, j'entends. Ah, c'est ton frère qui chante, Payet. Mec, tu coupes quand je te le dis, pas avant. Hein. Ok. Si on va attendre que le coup. Écoutez bien, il va y avoir des hurlements. Après, il y a le décalage, je sais pas si c'est sur le satellite. C'est quasiment pareil, c'est pareil que nous, apparemment. Attention, je te dirai. On écoute. Maintenant, tu coupes. Non, attends. Trop tôt, ouais. Attends, il va rallumer. Attends, il rallume là. Vous coupez là. Vite, c'est éteint. Bon, le match, le but est raté. Bon, écoute. C'est bon, il reprend. Le match reprend. Mais c'est son petit frère ou sa mère? Attends, continue de laisser regarder le match. Reste avec nous en ligne, ne dis rien, ne bouge pas. Il y a un corner. On se fait le corner. Quand je te dis go, ils ont remis la télé là? Le décollage, il marche plus là. C'est quoi ce problème là? Ils ont remis la télé ou pas? Non. Ah merde. Oh putain. Il est tellement bon que j'ai but et que les télés sont éteintes. Ça aurait été génial. Tu me dis quand la télé est revenue, hein, surtout. Hein. Mais pourquoi ils mettent autant de temps pour la rallumer? Je crois qu'à force de l'éteindre, il a peut-être merdé un truc. On va... C'est pas vrai, il est en train de redémarrer. Ce décodeur, putain, j'en peux plus moi. Il a fait lâcher le décodeur. Reste en ligne et tu me dis quand c'est bon. Hein, surtout, le temps de vous rappeler que dans un instant, il va y avoir Guillaume et tout. Et que la soirée va continuer sur Énergie. C'est très très bien. C'est ces conneries. D'ailleurs, si des auditeurs veulent pourrir le film ou la série, inscrivez-vous koé@energie.com. Si vous aussi, vous voulez télécharger la petite symbole qui vous permet. C'est facile de télécommander la télé. Vous avez des applis. Ouais, sur les téléphones. Qui vous permettent de le faire de vos téléphones pour la box et tout. Donc inscrivez-vous koé@energie.com. Ouais. Toi déjà Valentin, on va t'offrir un beau cadeau, un truc de oui, bien sûr, on va voir. Tu vas dealer ça au standard et tout, machin, etc. On va attendre que le truc revienne. Allez, Ce qu'il y a bien, c'est que quand on fait une chanson, on a la famille. Ouais. Ils l'aiment bien. Hein. C'est revenu là, la musique, le truc ou pas? Ah bah ça y est, il commence à revenir le décodeur. C'est long en redémarrage. Ça serait le moment de couper là. Attends. Par contre, on fera pas la bonne pub pour le carré rouge. Ah là là là là là là là là. Eh, attends, c'est revenu ou pas? Allez. C'est revenu. Ah oui, si, ils disent allez. Ah non, ils disent allez le décodeur. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de revenir? C'est quoi votre décodeur? Il est indien, ça fait réinitialisation. Ouais, c'est bon. Franchement, le décodeur SFR, merci. Hein. Ah ouais. Le... Il fait la pub. Le mec, il joue bien son jeu. Ça. Merci SFR. Alors là, le reste en ligne, reste en ligne. Le temps de rappeler que vendredi, il y aura Soprano. Le job s'habille plus en Prada. Loris va partir quelque part dans la rue pour aller chasser des gens en Pokémon et en leur balançant des boules et en les chopant. Sauf que, viens m'amener ton accessoire, j'ai demandé, écoutez-moi bien, on avait demandé une épuisette pour qu'il aille chercher les gens dans la rue. Regardez ce qu'il m'a ramené, une épuisette pour choper. Ça, c'est des crevettes, mon gars, que tu prends avec ça. C'est-à-dire que là, tu peux même pas prendre une tête d'un mec. Ou des enfants, alors. Donc, ce qu'on va dire... Les bébés. Non, ce qu'on va dire, c'est que tu vas aller m'en prendre une très grande. Oui, et ta mission demain, on ne commencera pas l'émission tant que tu ne reviens pas avec ta vidéo, où tu m'attrapes vraiment des gens avec une grosse épuisette. D'accord, on va travailler pour. Chasseur de Pokémon, on va travailler pour. C'est revenu ou pas, le film le match? Le décodeur SFR, je crois que notre décodeur SFR est en train de griller. Ouais, c'est mort. Ah ouais. Merde. Ah, c'est dommage. Ah, c'est con, hein. T'as gagné une nouvelle TD, tu voudras pas l'utiliser. Ah mince. Okay. Alors, ça revient pas? Ah, c'est en train de repartir. Écran blanc. Allez, dépêche, je vends le match, moi. Putain, on est en train de tout louper, là. Ah, il est bien. Écran blanc. J'ai oublié. C'est grand blanc. Écran blanc, pas grand blanc. Ça veut rien dire grand blanc. C'est ouais. Grand blanc. Il y a un grand blanc. Ah, y a un grand blanc. Ça y est. Non, grand blanc. Non, ouais. C'est bon. Alors attends, tu attends, tu leur demandes de bien mettre le son fort. Vas-y, monte un peu le son. Dis-lui, j'entends rien, t'as le son. Trappe, plus fort. Voilà. Et évidemment, quand je te dirai de couper, tu couperas. Et ensuite, on se fera un gros bisou et on vous laissera avec Guillaume. Oui, ta mère est en pleine forme pendant un match. Ouais, je vois ça. Carrément. Ah, il se rapproche, les Français, il se rapproche. Paillette. Et quand je te dis coupe, tu coupes avant. Ok. Ah, on entend les commentaires. Attention, on va attendre que l'action soit bonne. Encore un joueur, c'est bien sûr tout le monde de son championnat. Je rappelle que Valentin est chez lui. Vas-y. Non, il a pas coupé, il a pas entendu. Il est dans le match là, il nous a laissé tomber. T'as pas coupé, mec, t'es où? Non, c'est bon, je viens d'essayer de couper, mais ça ne marche pas. Ah, ça marche. Ah, ça a coupé maintenant. Ah, c'est décalage. Ah, apparemment, ça a coupé. Ça a coupé. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va te souhaiter une bonne nuit, mon gars. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, c'est parti, on y va, il est 22h02. Guillaume Radio 2.0, on se retrouve comme chaque soir sur Énergie, on fait de la radio ensemble. Bienvenue à vous, hein, Sony, d'arriver là pour la première fois. Guillaume Radio 2.0, on se retrouve avec Snake tout à l'heure et Justin Bieber. On écoutera et déchire ce morceau. Snake et Soprano. Snake et Soprano tout à l'heure. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de parler. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un vœu. Si tu me parles, fais un vœu. Si tu me touches, fais un vœu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Allez, si vous voulez venir avec nous, vous êtes à la bienvenue les mecs, là. Guillaume Radio 2.0, nous sommes en direct, 22h03, Soprano, tout à l'heure, Snake aussi, si vous voulez venir au standard, c'est gratuit, 0870 42 48, c'est le numéro, si vous voulez nous appeler sur le standard depuis le fixe, ou par SMS, hein, Guillaume et votre texto au 6 11 12, vous allez bien. Voilà, Guillaume au début, et le message 612. Bonsoir à toute l'équipe qui arrive, je vais vous présenter tout le monde. Si vous découvrez l'émission ce soir, il y a en premier qui est avec moi chaque soir depuis très longtemps, la table de mixage, voilà, déjà qui est là. Ils m'ont changé la table de mixage aujourd'hui, putain, c'est plus la même là. Ils préviennent pas en plus, c'est con, ils te mettent ça et tu découvres en direct. Ça va, j'ai un stagiaire. Ouais, ça va très bien, Guillaume, salut tout le monde. Ça va, t'as passé une bonne journée. Ouais, très bonne. Ouais, t'avais quelque chose de spécial. Non, rien du tout, un mardi normal, banal, ouais, désolé. Un mardi banal. Ouais, comme un autre. Merci, on dirait un titre de film pourri. Un titre de film où tu vas te faire chier. Ça va, Jim Sandard ? Salut, Guillaume, ouais, ça va au top. Ça va, ouais, t'as passé une bonne journée, toi ? Ouais, ça va, j'ai une. Ne dis pas oui si t'as rien à dire. Si, j'ai une fuite dans mes WC, Guillaume, ça m'angoisse. Ah, ça, c'est une super journée. Ça mouille. Après, le mardi banal, la fuite dans les WC. Il est où ? Il est dans la fuite dans les chambres. C'est horrible. Ah, mais t'as. Bonsoir, Julia. Salut, Guillaume, salut tout le monde. C'est quoi cette combi en jean que tu nous importé là, ah voilà, ce soir. C'est un style un peu plombier. Non, c'est joli, c'est très joli. C'est un, très peu, joli. Un peu plombière. Non, c'est pas du tout. Ça fait un peu genre. Bah, sur une fille, c'est mignon. Non, ça fait un peu genre négligé, mais pas faussement négligé. Quoi. Ouais, comme une salopette ça, ouais. Un peu. Ça fait un peu, je suis genre. Je suis toumi-toumi. Je me suis réveillé un peu la tête dans le cul. Ouais. J'ai pas eu le temps de m'habiller, ça pas le temps de me maquiller. Ouais. Je suis ouais. Un peu freelance ce soir. C'est ça. Mon mec est pas là. voilà, un petit FIFA en vous écoutant. Ah, salut à la 60. Voilà, Guillaume au début du texto. Vous commencez par Guillaume et vous l'envoyez au 6, 11, 12. Ça va, Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien, ouais. Ouais, tranquille. Salut Guillaume, salut tout le monde. La procédure. Non, c'est la procédure. C'est bon, je peux partir. Guillaume, c'est bon. Détends-toi. Détends-toi. Le balai dans le fion. Le balai. On se fera Lil Wayne et Wiz Khalifa là tout à l'heure, Niache. On se fera Manu Selmerzlo. Ils cassent les couilles, les mecs, avec leur nom. Putain, il y en a pas un qui peut s'appeler normalement, là. Comme Maître Gims, par exemple. Je garde la foi, je suis le chasseur de la proie. Mais ça va être toi, seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Les mecs, hein. Guillaume au début des textos, là on les lit hein, au 6, 11, 12. Petit FIFA en vous écoutant, salut les mecs, j'adore ta chronique dans TPM. Merci Seb, sympa. J'ai reçu votre lettre comme quoi mon enceinte Bluetooth allait arriver. Ah, cool, salut Mathis du 37. Salut Mathis. Gros bisous, c'est trop sympa. Bonsoir à toute l'équipe, salut à Dream Team, toujours présent avec vous pour les potos. Salut Gauche du 18. Les cas, c'est la terminale S1 du lycée Fraissinet à Saint-Brieuc dans le 22. Bonsoir, au revoir. Salut. Le week-end du 17, je suis sur Paris. Je peux venir voir l'équipe. Jérémy de Clermont, il plaisir, frérot. Ça fait plaisir de vous entendre. Je vous attendez, salut Kiss de Berthaud, salut les mecs. Salut, salut. Le nouveau Ice MC, on va essayer de se l'écouter aussi, pas de problème. Je suis sur Paris, est-ce que je peux venir voir? Oui, bien sûr, hein, les gars, toujours. Hein. Merci pour l'Xbox, comment on fait pour venir visiter le studio de radio? Salut Anatole, bah, vous nous envoyez des mails, ouais. guillaume@energie.com, avec plaisir, les gars, là, on fait visiter. Hein. Vous êtes tous les bienvenus ici, là. Bon, on se calera s'il y a un morceau qui vous donne envie, là, voilà, comme ça, tranquille. Hein. Ça va, Flo, les cadeaux, alors Ouais, ça va, tranquille, hyper bien. T'es stressé un petit peu ou t'es... Mais non, pas du tout. Non, mais t'as le droit de... T'as non, droit mais il est comme ça. Mais non, ça va. Il parle comme normal, ça, je crois. Tu viens d'arriver... Mais non, ça va. Voilà, attends. Là, vous me stressez, par contre. Non, non, mais pourquoi tu stresses? Bah, je sais pas, vous me regardez tous et vous me posez des questions. C'est la première fois que tu fais émission, t'as le droit. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio avec moi, là? 2 ans. 2 ans, enfin, là, c'est la troisième année maintenant. Ah ouais, t'étais en stage il y a 4 ans. Ouais. Il y a longtemps quand même. Ouais, c'est bien. Bah ouais. Ah, il y a 4 ans, il est arrivé en stage chez moi. D'ailleurs, c'est parce longtemps. Que maintenant, avec Facebook, tu peux savoir les trucs. À l'amitié, ouais. Bon, j'aimerais que toute l'équipe, on n'a pas eu le temps de parler des vacances, vous tous chez vous et tout, mais je vais mettre sur mon Facebook, là, Guillaume Play, PLEY. Voilà. On est combien, JM du standard? 1 951 104. Voilà. Et bien, voilà. Si vous voulez venir, je vais vous mettre une photo de chacun des membres de l'équipe pendant les vacances. Ouais, ouais. Je leur ai demandé de m'en envoyer juste avant la pub, là, juste avant de commencer. Donc, je vais vous les mettre. Chacun des membres de l'équipe, c'est assez marrant, voilà, m'envoyer une photo. Il y a JM du standard qui a une très belle position. Ah ouais. C'est voilà. Quoi un très bel accessoire. Un très très Oula. Bel accessoire. Une mini voiture avec un god dessus. Non. Sérieux. Vous allez rigoler. Le mec, je vais même pas savoir ce qu'il a fait de ses vacances. Ouais, vraiment. Bon, en tout cas, je vais vous mettre les photos. Et venez voir, je viens de vous mettre la mienne. Là. Moi, j'ai eu la chance de voir la capsule qui est sur la Lune, la petite capsule. Ah, ouais, de quoi la vraie, quoi. À la NASA, j'ai vu ça avec Canaveral. Et c'est à la vraie capsule qui revient de la Lune, quoi. Voilà. C'est, ils ont repêché dans l'océan et tout, ils et ont montré frère. Le truc. Et c'est et sûr tout. Ça, c'est. Et bah, c'est qu'est vérifié. Qu'est-ce soit allé sur la Lune. Il n'y a pas de témoin. T'as le droit d'avoir ton opinion. Ouais, il y a un débat. Je dis pas que je crois qu'ils sont allés sur la Lune, je te dis. Comme le mec en tout cas, c'est celle qui est allée dans l'atmosphère et qui a pris. Elle est censée être allée. Dans le ciel, quoi. Non, mais qui est dans l'atmosphère, c'est sûr. S'il y a des satellites, sinon on n'aura pas de téléphone. C'est ouf. Il n'y aurait pas de GPS s'il n'y a pas de téléphone. Ça, c'est vrai. Mais la 4G, tu fais pas les satellites. Merci, Jim. Merci beaucoup. Merci. Du coup, je vous ai mis la photo. J'ai mis toutes les photos de toutes les équipes du coup sur le Facebook. Hein, voilà. Guillaume Play, PLY, c'est 2 secondes. Trop fort, toi et la bande, vous arrêtez pas, je vous écoute tous les soirs dans la cuisine au boulot. Bonsoir Sarah du 6-2. Salut Sarah. Je pouvais pas rater le début de l'émission de radio, elle est tellement superbe, j'attends ça depuis ce matin. Eh ben salut à toi frérot. Merci. Est-ce qu'il y aura le jeu des hôtels? Évidemment qu'il y aura le jeu des hôtels. Ouais, t'es la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. J'vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Je peux écouter toute l'émission, je commence qu'à 10h demain. Ah, ah très bien. C'est bien. Bon, écoute, sois le bienvenu. Voilà, si vous commencez à 10h demain aussi, on est ensemble ce soir. Il est 22h09. Il y aura Yann qui nous a appelé de Puto. Bonsoir, Yann de Puto. Salut mon Guigui, salut mon Juju. On va la refaire sans le Guigui. Le Juju, tu peux laisser. Ça va l'équipe. Ouais, ça va être. Oula, il est chaud le Yann. Il est en forme. Ah, je suis chaud. Eh ben, enchanté. Écoute, j'allais t'offrir un cadeau, mais vu que tu m'as appelé Guigui, tu gagneras rien. Tant pis. C'est dommage. Bon, ça va ou quoi? Tranquille. Première fois que tu passes à la radio, ou t'es déjà passé toi? Je suis déjà passé. T'es déjà passé, d'accord. Ah. On a déjà fait l'erreur de te faire passer. Alors, tu repasses. Tu fais quoi de la vie, mon Yann là? Alors, moi, je suis en troisième. Ouais. Et justement, j'ai appelé pour pouvoir faire mon stage chez vous. Et alors, et donc, t'aimerais faire quoi? J'ai pas compris. J'aimerais faire un stage chez vous. Ah, c'est vrai. Ah, bah écoute, ouais, avec plaisir. Ouais. T'as quel âge? J'ai 14 ans, je vais faire mes 15 au mois de novembre. Ah bah ouais, écoute, pas de problème. Nous, tu comprends. Eh ben, c'est gentil. On viendra bouffer le gâteau. Non, mais c'est avec plaisir, on prend en stage en plus. Hein, quand vous avez besoin de venir en stage, les mecs, si vous avez besoin de trouver un truc, un taf ou quoi, vous nous envoyez les CV, nous on fait tourner. Hein. Moi, je kifferais trop parce qu'en plus, on m'a dit d'appeler un mois avant. Ouais, justement. C'est ça. Parce que vu qu'on prend tout le monde, il faut qu'on s'organise à chaque fois pour savoir où on mettait le personne. Voilà. C'est ça. Voilà. Si on te disait de venir demain, c'est-à-dire qu'il n'y aurait personne qui nous demanderait de venir en stage. C'est là qu'il faudrait s'inquiéter, quoi. Ah là là. Mais t'aimerais venir faire un stage, c'est-à-dire t'aimerais venir voir un petit peu comment ça se passe? Qu'est-ce que t'aimerais voir? Bah ouais, déjà, et bah être dans votre équipe plus tard. Ah ouais, d'accord, ouais. En fait, t'aimerais prendre de l'avance, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. T'as envie de faire de la radio après, c'est ça, plus tard, après les cours? Être animateur radio, bah comme toi. Ouais, c'est comme sympa. Comme toute ton équipe, et enfin voilà, quoi. Bah c'est sympa. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est sympa. Futur 2.0. Ah bah c'est gentil. Merci beaucoup, hein. Merci Yann. Et enfin. Bah écoute, tu voulais parler, t'as un pote qui s'est mis sur YouTube et qui fait le beau apparemment. Ouais, voilà, c'est un peu ça. D'ailleurs, il commence à me saouler un peu. Vas-y. Donc, en gros, il s'est inscrit il y a une semaine et demie sur YouTube pour faire des vidéos, comme tout le monde. Ouais. Et c'est que maintenant, en fait, on va dire qu'il a fait le buzz. En gros, il fait 5000 vues pratiquement par vidéo. D'accord. Et donc, en gros, il commence à se prendre pour un gros YouTuber comme Squeezie, Norman, etc., etc., alors qu'il faut se dire il est pas à ce cap là quoi. Et là il commence déjà à faire le show avec moi. Ah, 5000. Non mais c'est bien 5000. Bah quand tu démarres, ouais. Non mais attends, c'est super bien 5000 vues, attends. C'est beaucoup de monde. Attends, c'est 5000 personnes, hein. C'est 5 belles. Énorme. Ouais. Attends, c'est un gros village. Et alors, et donc il fait un peu le beau, tu sens qu'il sent plus quoi depuis une semaine. Ouais, il sent plus pisser du cul, il fait un peu le beau quoi. Mais il fait des vidéos de quoi? De gaming, d'accord. Il joue et puis ça marche. Il y en a plein en plus, c'est comme ça. Ah, mais c'est vachement bien les vidéos de gaming, j'adore. Ouais. Et résultat, il faut que tu le calmes, quoi. Ouais, garde ça. Ouais. Est-ce que vous avez un pote qui a changé de comportement du jour au lendemain? Moi, j'ai un pote qui est devenu métalleux du jour au lendemain. Ah, ouais, ouais. Ça a été un peu, il s'appelait Olivier Fousse. Voilà, j'embrasse Papa. Salut Olivier, ouais. Ah, il était pas du tout. C'est un peu dark. Il était totalement normal et puis du jour au lendemain, enfin, normal, c'est pas normal d'écouter le métal, mais il avait un style, on va dire, vestimentaire assez commun. Le look métalleux. Il était dans la normalité et du jour au lendemain, le mec, il a complètement envoyé. En noir. Il est arrivé de jeune homme normal, on va dire, avec un jean et tout ça, a vraiment porté chaussures en cuir avec les bouts en fer et cheveux, tout. Du vernis noir. Niveau cheveux, il était blond et il s'est laissé pousser les cheveux une queue cheval blonde. Et le vrai, il s'est mis des bracelets à loupic et tout. Il était vraiment hard. Comme la musique aussi. Ah oui, non, mais c'était surtout les concerts. En fait, c'est tout bête, c'est qu'il s'est retrouvé dans une classe où il y avait 5 mecs avec qui il s'entendait bien, qui étaient métalleux. Ouais, ben ils ont fait un groupe ensemble. C'est adapté. Ils ont fait un groupe ensemble. Je pense qu'ils s'adaptaient pour se faire des amis, etc. C'est un peu dommage quand même. Pour s'intégrer. C'est pas lui du coup. Et bah si, apparemment, il est encore comme ça. Je l'ai vu sur Facebook là, il y a pas longtemps. Il m'a rajouté. Ah maintenant encore. Il m'a rajouté. Il a toujours cette tête là. Bah c'est qu'il aime alors. Il est resté dans le côté métalleux. Flo des cadeaux. Moi j'ai connu l'inverse. C'était une fille au lycée qui était complètement métalleuse, qui écoutait des trucs que j'aurais jamais pu écouter. Et un jour, elle est partie en boîte. Il y avait un showcase de Tragédie. Et à partir de là, elle écoutait du zouk. La révélation. Et elle arrête le métal. C'est vrai que Tragédie, c'est pas vraiment du zouk. Il y avait une soirée zouk avec Tragédie. Ah et ouais à partir de là, elle écoutait plus de métal, elle écoutait du zouk. Ah, mais c'est bien, c'est qu'elle a découvert autre chose. Ouais, voilà, ouais. Ah ouais, mais c'est pas plus mal parfois de changer. Hein. Ah oui, ah, t'évolues. Du jour au lendemain. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des mecs, c'est un peu marrant parce que vraiment, ils savent pas faire la douceur. Ouais. Ouais, c'est vraiment, ils partent et le lendemain, ils ont les cheveux longs. Ouais, c'est ça. Ils en font trop. C'est une queue de cheval, etc. J'aime ça. T'as connu comme ça quelqu'un qui se prenait pour quelqu'un qui n'était pas. Ou quelqu'un qui a changé du jour au lendemain vraiment de style, tout ça. Ouais, moi, c'est un de mes potes. En fait, il a lancé son blog sur la mode, en fait, la mode homme. Mais vraiment, il y a toutes les marques qui lui ont envoyé. C'est Valérie Benaïm. Non mais je vous le dis, parce que elle a créé un blog. Elle a créé sur Instagram et tout. Elle est très très gentille. Non, ouais. Ah ouais. Elle a 40 000 followers. Elle vient de créer son compte. Je l'ai fait certifier aujourd'hui. Voilà. Et donc elle est à fond. C'est marrant. Mais tous les jours, ses petites tenues. Elle est très très gentille. Ah ouais, pareil. Ouais. Belle femme aussi. Je l'adore. Élégante. Ouais, très belle. Non, mais surtout extrêmement sympa. Vraiment, faut le dire. Je la connais pas. C'est un homme, la meuf. Et donc en fait, mon pote qui fait comme Valérie Benaïm, qui fait un blog.